Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. Alors on se retrouve pour la 22e fois de la saison pour débriefer ensemble le Grand Prix de Las Vegas qui a eu lieu ce week-end à des horaires que l'on qualifiera d'abject, hein, évidemment, puisque ça a été des séances à 1h30 et 5h du matin. Mais on était là pour vous faire suivre en direct pour ceux qui étaient debout, en différé pour ceux qui se levaient et qui voulaient rattraper le contenu qui avait été fait sur notre site. Et un Grand Prix remporté par Max Verstappen devant devant George Russell et Andrea Kimi Antonelli, puisque Lando Norris avait terminé deuxième, mais comme Oscar Piastri a été disqualifié. On va donc revenir évidemment sur cette double disqualification de McLaren qui change pas mal la donne au championnat, et puis sur ce week-end de Grand Prix qui a été quand même assez complexe pour les pilotes, avec notamment de la pluie à Las Vegas, qui était une première. On est trois pour en parler ce soir, il y a Franck avec moi, ça va Franck? Bonsoir tout le monde, bah écoutez, oui, un peu fatigué par ce week-end et par l'ensemble des choses à couvrir, effectivement. Ça a été un dimanche un peu rock'n'roll pour la rédaction, qui était déjà bien fatigué par trois jours intensifs, puisque contrairement à beaucoup de nos camarades, nous couvrons aussi la journée média in extenso. Donc autant vous dire que cette quatrième journée, avec la disqualification de McLaren, a un petit peu rebattu les cartes en termes de charge de travail pour la journée. Maintenant, on vous remercie pour la fidélité, parce que vous étiez très nombreux à nous suivre hier et aujourd'hui. Donc ça nous a fait plaisir, effectivement, dans ces temps un peu difficiles pour les consultations des sites web sur Internet. Hein, voilà, parce qu'on sait tous que l'intelligence artificielle commence à prendre un peu le pas sur beaucoup de choses, et que ça devient un petit peu compliqué pour des sites d'actualité comme le nôtre, indépendant, de vivre. Donc on vous remercie pour la fidélité. On a fait un meilleur dimanche que Las Vegas l'an dernier. Bon, certainement grâce à la disqualification de McLaren. Donc, il peut y avoir au moins un point positif là-dedans. Pour voilà, si ce n'est aussi un autre point positif, c'est qu'on arrêtera de m'emmerder avec la disqualification de Ferrari en Chine. Voilà. Alors non, mais c'est juste qu'on va m'emmerder aussi, du coup. Voilà, donc je pourrais emmerder Manu aussi là-dessus. Et voilà, et aujourd'hui aussi encore beaucoup d'audience. Et voilà, donc merci à vous pour votre fidélité. Sinon, bah, effectivement, un Grand Prix de Las Vegas, bon, qui a été un petit peu plan-plan, hein, soyons clairs. La partie intéressante, ça a été un peu les qualifs sous la pluie. Après, derrière, effectivement, comme l'a dit Manu, le championnat est un petit peu relancé, on va dire, par tout ça. Donc on va en débattre, on va en discuter ce soir. Tout à fait, effectivement, ça a été. On vous fera le bilan comptable, mais on est passé d'une situation très confortable à une situation peu confortable. On en parlera aussi avec Alex. Ça va, Alex? Ça va très bien. Alors, Franck a parlé de course un peu plan-plan. Moi, je dirais que c'était une course planche-planche pour McLaren, parce qu'effectivement, c'est un loupé assez incroyable, qui risque d'avoir des conséquences catastrophiques pour la fin du championnat, ou pas, parce que quand même, Norris peut plier aussi le match dès le Qatar, hein, s'il gagne un sprint et un Grand Prix. Donc, rien n'est perdu, loin de là, hein, quand même. Pas oublier qu'on a quand même 25 points de retard, enfin 24 du côté de Verstappen, donc effectivement il se rapproche, mais il est encore relativement loin. Là je dis ça pour te rassurer un peu Manu, parce que je sais un peu trembler jusqu'au bout. Ma tension est très très haute depuis hier matin, depuis qu'on a eu l'annonce de la mise sous enquête des McLaren. Effectivement, c'est vrai que ça a un petit peu changé la donne. On va d'abord parler de Max Verstappen quand même, puisque c'est lui qui a remporté la course. Yuki Tsunoda termine 12e avec l'autre Red Bull, donc 14e sous le drapeau Adami avant la disqualification des McLaren. Verstappen encore une fois qui a travaillé tout au long du week-end pour revenir après un début de week-end qui était un peu plus compliqué. Une qualification en première ligne, un meilleur départ que Lando Norris, qui lui a fait ce qu'on appelle une Verstappen au départ, c'est-à-dire qu'il lui a bloqué la route, mais n'est pas Verstappen qui veut, lui a laissé la place ensuite au premier virage. Et de là, on n'a pas revu Max qui a pris de l'avance et a géré la course tout au long des 50 tours du Grand Prix pour s'imposer. 69e victoire de sa carrière. Franck, je pense qu'on peut dire que de nouveau ça a été un excellent week-end de Verstappen, et puis de nouveau un Verstappen qui ne lâche rien et reste en vie pour le titre, alors qu'on aurait pensé il y a encore quelques temps que c'était fini. Oui, c'est un petit peu surprenant d'ailleurs, surtout l'écart à l'arrivée qu'il y avait entre la Red Bull et la McLaren. Mais bon, on était sur un week-end sprint, un week-end évidemment pas encore plus compliqué par les conditions, hein. On est vraiment sur de la fraîcheur à Las Vegas, hein. C'est vrai que tout le monde pense Las Vegas, tout le monde pense désert, tout le monde pense température, pense tout ça, mais à cette époque de l'année c'est pas du tout le cas. On est sur du 10-12 degrés grand maximum en soirée début de nuit. Et voilà, bah, les voitures sont pas forcément réglées au mieux. Et je pense que chez Red Bull, ils ont été un peu contents de voir la pluie pour la qualification. Donc, ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre. Chez McLaren, on avait dit qu'on avait bossé sur les setups de Las Vegas. Bon, effectivement, ça a quand même mieux marché que l'an dernier. Après, voilà, ça, tout le monde a manqué de roulage, clairement, dans les conditions nécessaires pour valider les setups pour la course. Et bah, clairement, il y a eu des choix, certainement, qui ont été faits. Donc, t'es meilleur chez Red Bull, moins bon chez McLaren voilà, en termes de performance, et aussi, on va en parler de hauteur de caisse certainement. voilà, donc c'est un Max Verstappen qui a dessus, encore une fois, tiré son épingle du jeu de manière magistrale pour. Voilà, comme il le dit, à chaque course, il n'a rien à perdre. Et il n'a rien perdu. Il a été par contre extrêmement, moi je tiens à souligner, extrêmement fin tacticien sur le départ quand même, parce qu'il a quand même un petit peu détaillé ce départ en se disant bien que, en voyant Norris comme ça aller autant effectivement à l'intérieur, il n'a pas autant retardé son freinage que Lando, sachant effectivement en termes d'adhérence ce qu'il attendait. Et voilà, c'était le coup magistral à faire de la part de Max qui performe, qui surperforme dans ces conditions de stress intense du départ. On sait toujours que sur les premiers virages, il est toujours présent, hein. Soit il est un petit peu trop agressif, soit il est juste ce qu'il faut, et là il a été assez malin. C'est surtout Lando Norris qui était un peu agressif en vraiment de croiser la trajectoire comme ça jusqu'au mur, hein, quand même, pour le bloquer, qui s'est un peu mis dedans du coup, hein, clairement, parce ouais. qu'il est vraiment allé sur la partie sale de la piste, et puis voilà, pneu froid, partie sale, c'est parti un petit peu large. Et je pense que Verstappen, il avait un petit peu calculé son... Enfin, le connaissant, je pense qu'il a calculé son coup sur selon quelle trajectoire je prends, quelle distance de freinage je dois prévoir pour pouvoir passer ce virage. Je pense que de ce côté-là, Verstappen est plus expérimenté, plus filou que Norris, et je suis pas étonné de la manœuvre du coup de Verstappen sur le départ. C'est un petit peu, voilà, je me concentre un petit peu sur le départ, parce que c'est un petit peu le fait de course majeur entre ces deux-là, parce qu'après, effectivement, comme tu l'as dit, Verstappen est parti, et on l'a pas revu, et il a déroulé une course magistrale, avec un meilleur tour à la fin pour bien enfoncer le clou, et voilà, c'est du grand Max Verstappen. Ben en fait, il y a deux choses. C'est que Verstappen avait déjà l'expérience de ce virage-là en 2023, puisqu'il partait deuxième, il avait emmené Leclerc à l'extérieur de la piste pour lui prendre la tête, et avait été pénalisé pour ça d'ailleurs. Et je pense aussi que Norris, en fait, involontairement, en plus de se mettre lui dans une mauvaise situation, a aidé Verstappen, parce qu'il le fait freiner avant cette zone sale. Et en fait, Verstappen arrive avec beaucoup moins de vitesse que Norris, et je pense que c'était la double peine pour Norris, et ça a bien aidé Verstappen, qui en plus, à mon avis, a joué un peu de prudence, effectivement, pour pas, lui, de toute façon, il savait très bien que s'il y avait un double abandon entre les deux, c'était à la fin de ses espoirs de titre, donc il avait pas le choix que d'être prudent, et il l'a été. Toi, Alex, qu'est-ce que tu as remarqué, noté en particulier sur la course de Verstappen qui t'a impressionné? Ce qui m'a bien fait rire, c'est lorsqu'on a dit à Norris, vas-y, va chercher Verstappen, accélère, ensuite Verstappen, c'était meilleur tour sur meilleur tour. Et on voit qu'il termine le meilleur tour que Verstappen fait, ben c'est dans justement le dernier tour de la course. Ça a dû rendre fou l'ambiasé, il a attaqué, et je crois qu'il a amélioré son meilleur tour personnel en course de 6 dixièmes. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il avait une grande marge d'avance, et qu'il était au-dessus. Norris l'a reconnu d'ailleurs en conférence de presse. Même si j'avais réussi mon premier virage, même si j'avais pris un bon départ, il m'aurait battu. Et je pense que ce dernier tour de Verstappen lui a donné raison. Donc c'est très impressionnant, encore une fois, les progrès faits par Red Bull sur ce tracé. Voilà, c'était impérial. Il lâche jamais rien quand il peut. Et donc c'est bien pour ça qu'il est toujours dans la lutte au titre. Je crois qu'il avait 104 points ou 105 points de retard sur Piastri à Zandvoort. Le voilà à égalité. 104, ouais. Effectivement, le voilà deuxième, enfin troisième du championnat, mais deuxième à égalité, parce qu'il est encore en retrait au nombre de victoires, hein, 7 pour Piastri, 6 pour lui. Alors, on n'a pas eu vraiment de longues discussions de Verstappen après la disqualification, mais lui, c'est toujours cette chose-là, c'est de dire on prend les courses comme elles viennent. Alors j'imagine que dans sa tête, ça va quand même switcher un petit peu, forcément, puisque on est passé d'un espoir de titre assez maigre à la vraie possibilité d'aller chercher le titre. C'est pas encore gagné, évidemment, hein, parce qu'il faudra faire vraiment un très bon week-end au Qatar. Et là, on arrive sur deux circuits qui conviennent un peu mieux à la McLaren normalement, et sur un circuit notamment d'Abu Dhabi où Norris avait été impérial l'an dernier. Mais voilà, on pense finalement que Verstappen va pouvoir commencer à réfléchir à la couronne, en tout cas. Même si Verstappen finit premier et que Norris finit deuxième tout le temps, que ce soit en course ou au sprint au Qatar, parce qu'il y a un sprint au Qatar, Norris gagne le titre. Maintenant, il ne faudrait pas que Verstappen finisse devant Piastri et Norris, c'est que Piastri vienne prendre des points non nécessaires à Norris. Et ça, on en parlera dans le chapitre McLaren, qu'on abordera juste après le chapitre Red Bull, puisqu'on ne va pas attendre la fin de l'émission pour. Nous ne disqualifions pas les McLaren ici. Voilà. ça vous ferait trop tard, sinon. Ouais. On sait que tout est lié, donc voilà, pour le coup, c'était plus logique de le traiter. En même temps, mais voilà, non, c'est vrai que c'est pas gagné pour Verstappen, mais il a strictement rien à perdre, il le dit, il prend les course par course. C'est d'ailleurs ce que Laurent Mekessa a dit aussi après l'arrivée, avant évidemment de connaître la disqualification de McLaren. Évidemment, c'était beaucoup plus tendu avant la disqualification que après, donc là, parce que du coup on se retrouve avec effectivement l'équivalent d'une victoire, mais ça veut dire qu'il ne faut plus une seule erreur, grosse erreur on va dire, de la part de McLaren, ça veut dire, hein, ou un abandon ou une panne ou quoi que ce soit pour Norris, clairement. Donc, autant dire que moi je pense que Piastri va être éliminé de l'équation, vite fait là, parce que en termes de performance, en termes aussi de, on en parlera peut-être un petit peu après, en termes de mentalité et de choses qui se passent aussi en interne, voilà. Je pense que le choix maintenant est un petit peu fait de manière, comment dire, logique, voilà, sans vouloir forcément parler de favoritisme. Mais voilà, c'est du all-in, puisqu'on sort de Las Vegas, du all-in sur Norris qu'il faut faire maintenant sur les trois prochaines épreuves. Quand je dis trois prochaines épreuves, c'est sprint Qatar, course Qatar et course d'Abu Dhabi. Je tiens quand même à préciser que Norris est très malheureux. Hein. Je pense que sans sa casse moteur à Zandvoort, sans sa disqualification, bah, il serait déjà quasiment titré. Hein. Donc c'est... Ouais. Comme Ferrari avec la Chine, hein, c'est pareil. Hein. Exactement. Et Norris peut s'en vouloir aussi quand même des points perdus au Canada, où il perd 10 points en allant accrocher Piastri bêtement. Et Verstappen en Espagne, où il fracasse c'est vrai. Russell. Ah ça. Oui, ça, effectivement, le coup de l'Espagne, du coup, il l'a cité, comme tu l'as dit, hein, il l'a cité comme regret de sa saison. Ouais, ça, c'est même revenu avec un mea culpa dessus, et ça, c'est rare. De la part de Verstappen. Celui-là peut poser ça. Ce serait symbolique qu'il rate le titre à cause de ça. Mais bon, sur une saison de 24 courses, comment vous voulez faire, ne faire aucune erreur, c'est impossible. Exactement. Même si celle-là, il aurait pu effectivement. Il y a erreur et coup des craquages de plomb. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas seulement une petite faute de pilotage. Bienvenue à Loki the King qui a posté son premier message et qui dit qu'il nous suit pour la première fois en direct. Bah, écoute, bienvenue à toi. Et merci à Vardon qui s'est abonné pour le 6e mois et qui dit on approche de la fin. À la fois hâte car la saison est longue, mais je vais m'ennuyer cet hiver. T'inquiète pas, l'hiver sera court puisque les Formule 1 2026 rouleront en janvier. Et les présentations arriveront dès 15 janvier. Voilà, ça évidemment à suivre sur Next Gen Auto. On vous en reparlera bien entendu. Avant de passer à McLaren, on va quand même évoquer le cas Yuki Tsunoda qui continue. Qui ça de... Alors, c'est un pilote japonais qui a commencé sa carrière en 2021 chez AlphaTauri. En fait, le problème de Tsunoda, c'est que j'ai de plus en plus de mal à défendre, en dépit du fait que malgré tout, Red Bull ne lui facilite pas la vie, puisqu'il a fait trois très bonnes séances d'essais libres. Il était au niveau de Verstappen, des fois devant. Et puis, en qualification, il y a eu un souci avec les pressions de pneus qui n'ont pas aidé son pilotage. Ça a été dit, d'après la course, après la qualif. Et au final, Tsunoda n'a pas fait un bon chrono non plus et s'est retrouvé éliminé en Q1. Départ des stands avec un nouveau moteur, des nouveaux réglages pour finalement s'arrêter en tout début de course. Alors ça, j'ai pas trop compris le move non plus. Parce que du coup, il s'est retrouvé dans un groupe tout seul, éloigné du peloton. Puisqu'il s'est arrêté au moment où la safety car virtuelle se terminait. Donc vraiment pas de chance. Mais pour moi, malgré tout, il faut aussi admettre que Tsunoda n'a vraiment pas le niveau et se retrouve en difficulté de plus en plus chaque week-end, alors qu'il devrait normalement être de plus en plus à l'aise dans cet RB21. Non, oui. Non, pour moi, c'est la confirmation qu'il va falloir lui dire au revoir, hein, clairement. Oui. Au bout d'un moment, je veux bien que le malchance, la malchance, la malchance, la malchance, ça revienne à chaque Grand Prix, que voilà, mais au bout d'un moment, tu crées aussi ta propre chance. Ça peut pas être non plus tout le temps l'excuse. Va dire ça, Alonso. Oui, bon, lui c'est pareil aussi. Au bout d'un moment, hein, je pense qu'il va falloir aussi qu'il pense qu'il n'y a pas que la chance non plus dans la vie. Il y a aussi des choix de carrière qu'il a fait. Et c'est aussi. C'est pas forcément de la chance derrière. Non, voilà, au bout d'un moment, je pense que Tsunoda, il faut qu'on lui dise au revoir, hein, clairement. Là, au bout d'un, je suis désolé, je trouve pas d'excuses sur ce Grand Prix, enfin, en tout cas sur ses qualifications, sur la course. Il n'a pas le rythme, il a pas le... même s'il est effectivement repoussé derrière, il n'a pas le rythme, il montre rien de spécifique en course, il montre pas... Même un Hamilton, qui bon, ça prend un bon départ aussi, montre quand même une certaine envie, tout ça, je ne l'ai pas vu. C'est pour moi c'est compliqué de défendre effectivement Tsunoda sur ce Grand Prix-là. D'ailleurs, Mekies l'a pas trop fait non plus. Et quand tu commences à voir ce genre de déclaration en fin de course où je commence à être nerveux enfin, c'était pas avant la fin de course, c'était au courant du week-end. Je commence à être nerveux et je commence à me dire ouais, mais j'étais plus vite que Max sur trois séances et dans des parcelles tout ça. Ouais. Tu sens clairement que ça commence à sentir le roussi pour lui. Et m'est avis qu'au mieux il sera rétrogradé chez Racing Bulls. Voilà. Au pire, il sera plus là. Hervé de Lindblad arrivera et du coup Manu sera obligé de refaire une version de son bouquin avec un nouveau pilote. voilà. Troisième édition. Et il sera content. voilà. Mais sinon, à part effectivement ce point positif pour Manu, je pense que Tsunoda. Disons qu'il y a quand même eu ce problème de pression de pneus, hein, qui l'a un peu perturbé en qualif. Je sais pas à quel point, mais là, Red Bull semblait plutôt prendre des points pour eux. Mais bon, après, voilà, hein, vous avez eu la course d'Anthony Lee versus la course de Tsunoda. Quoi. La comparaison fait quand même toujours mal. C'est ça. Le problème aussi, c'est que Tsunoda, c'est à chaque fois, à chaque week-end, il y a des excuses. Alors, chaque week-end, il y a des excuses factuelles. Il y a toujours des choses qui se passent pas bien. Un coup, c'est de la stratégie. Un coup, ça va être les décisions de Red Bull, l'exécution des arrêts. Ça va être plein de choses. Mais le dénominateur commun de tous ces week-ends, c'est quand même que généralement ça manque de perf. Et en fait, les écarts sont énormes. C'est-à-dire que il y aurait des courses où des fois, de temps en temps, il est à 1 ou 2 dixièmes. On dirait, bon, bah effectivement, il a pas de chance. Et puis il y a des week-ends où il se retrouve à 7 dixièmes. Le problème, c'est que là, même les week-ends où il se passe rien, bah, les courses, il est quand même complètement à la ramasse en termes de rythme. Et en qualif, il est quand même vraiment en retrait de Verstappen. Donc c'est le problème. Alors effectivement, Blabou, il nous demandait Tsunoda qui râle contre Red Bull, indice qu'il va rester ou qui sait qu'il s'en va. Moi, clairement, je pense qu'il sait que ça sent le roussi. De toute façon, il ne sera pas dans cette voiture l'an prochain. Moi, ça me paraît sûr. Il n'y a aucune chance qu'il reste. Et effectivement, bah, lui, je pense qu'il essaie de redorer son image en disant « Regardez, on met des bâtons dans les roues. » Donc, il a raison. Parce que c'est vrai que factuellement, les week-ends ne se passent pas bien pour lui par la faute d'éléments extérieurs et des fois inhérents à son équipe. Mais le vrai souci, c'est quand même qu'au fond, il n'y a pas de performance. Moi, quand je l'entends, pour sa 20e course, 21e course avec la voiture, dire « je commence à comprendre la voiture, je commence à avoir de l'aisance », c'est un peu short. Alors certes, c'est pas le premier qui a ces problèmes-là dans la voiture, mais malgré tout, on a vu des choses mieux chez tous les autres qui ont été dans ces voitures-là à la place. Il y a zéro coup de génie pour lui. Il sort aucun coup de génie pour rattraper un truc. Ouais. Rendez-nous Pérez. Exactement, c'est ça. Bah, tu l'auras l'année prochaine, t'inquiète pas. C'est vrai que Pérez, il y avait quand même la dernière demi-saison a été catastrophique, la dernière saison et demie a été compliquée, mais il y a quand même eu des belles choses. Il a quand même été parfois devant Verstappen, il a parfois battu, il a parfois un peu compliqué la tâche, et au final, au moins il y avait des coups d'éclat, ce que Pérez a toujours fait dans sa carrière. Et on en revient aussi au problème, à mon avis, de Tsunoda, c'est que même avant, des coups d'éclat, il n'y en a pas beaucoup dans sa carrière. Il a fait une belle performance de temps en temps, un coup à Bakou, un coup à Abu Dhabi, quatrième place par-ci par-là, mais globalement, c'est quand même assez fade. Et même s'il se rapprochait de Gasly à l'époque où ils étaient équipiers, ça restait fade. Il n'y avait pas ces coups d'éclat que Gasly, lui, était capable de faire dans la voiture. Donc pour moi, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Une rétrogradation chez AlphaTauri, pourquoi pas? Ils auraient besoin de son expérience. Maintenant, Lawson me semble avoir un bagage technique qui se développe très très vite. Pour le coup, je le trouve très bon aussi, on y reviendra. Et à mon avis, ça suffira comme leader. Et je pense que s'ils veulent mettre Lindblad, qui, même si je ne le pense pas prêt pour la F1, est rapide, je pense que rien n'est aucune contre-indication. Je veux rendre hommage à Warwick Zero qui dit pour Tsunoda, ça sent le rossi excès de dilettantisme. Oh, c'est joli. On aime ça. Donc voilà, en tout cas, pour Red Bull, c'est... et alors pour Red Bull, quand même, c'est aussi que la troisième place au classement des constructeurs semble de plus en plus se dessiner. Oui. Et ça, c'est quand même... bon, merci Max Verstappen. Max Verstappen. Grâce à un pilote. Voilà, Max Verstappen est troisième au classement des constructeurs, un peu plus près, à 10 points près, je crois. Mais le fait est que c'est un peu miraculeux quand on voit où ils étaient par rapport à Mercedes et Ferrari en milieu de saison. Bah, parti comme c'est parti, bah, effectivement, tu vas avoir une équipe championne du monde, troisième championne du monde avec un seul pilote. Hein. Mm. C'est pas loin, hein, parce que Ferrari a encore dégringolé un petit peu. Il peut venir merci. Il peut venir, Red Bull ne peut pas dire merci à McLaren sur le coup du championnat, parce que du coup, Ferrari prend plus de points que ce qu'ils auraient dû prendre, mais effectivement, ça fait peur. C'est là qu'on voit effectivement que Tsunoda, en termes de coup d'éclat, cette année, il n'y a rien, quoi. Non. C'est que des justifications sur cette séance-là, j'étais plus rapide, sur ce secteur-là, ça passait mieux, mais sur un week-end ou sur des coups de génie, effectivement, il n'y a rien. Et je suis désolé, hein, on pense qu'on a tous pensé d'ailleurs ici qu'il fallait un peu lui laisser sa chance. Oui. Attends, je pense que même le rétrograder chez Racing Bull, ça ne va pas le servir parce que voilà, il se développera pas là-bas, plus ou moins, plus que ça. Donc, et en plus, face à un Lawson qui, derrière, lui, aura juste envie de croquer. Ouais, et tu vois, j'allais justement en venir à Lawson, c'est que je pense que en fait, finalement, ils auraient dû laisser Lawson dans cette voiture parce que même si Lawson a des week-ends compliqués, il a aussi des week-ends où ça marche très très bien et lui, des coups d'éclat, il sait en faire. On l'a vu encore ce week-end, il se qualifie 6ème, il s'était qualifié, il avait fait un super week-end à Bakou et il s'est qualifié 3ème, je crois. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que bah, finalement, je pense que l'inversion a été faite trop rapidement. Mais bon, ça, c'est le management à la Red Bull, on prend des décisions sans avoir de réflexion derrière. C'est sûr. Ouais. En tout cas, voilà pour Red Bull. On va passer à McLaren. Alors, McLaren, c'était une deuxième place et une cinquième à l'arrivée. Non, quatrième, pardon. Mais finalement, c'est une double disqualification à cause d'une usure trop importante des planches sous les voitures. Alors, le problème, c'est qu'on a vu des voitures. Moi, j'ai revu un peu pendant le Grand Prix et c'est vrai qu'on voyait que notamment Piastri avait un marsouinage qui était assez étonnant. Et même Norris, on le voit beaucoup. Et même Norris. Il faisait beaucoup d'étincelles. Ouais, même quand ils faisaient des liftenkos à la fin, d'ailleurs, on voyait des fois qu'il y avait des étincelles. Mais bon, je pensais que c'était. Je pensais pas que c'était ça au départ, c'est qu'il y a eu quelques rumeurs comme quoi c'était peut-être l'essence et tout. Et puis donc bah voilà, malheureusement, c'est une double disqualification à 0 pointé le premier de la saison pour l'équipe. Et du coup, on se retrouve avec un Verstappen à 24 points de Norris et à égalité avec Piastri. Malgré un week-end qui était plutôt positif puisque McLaren craignait un peu le circuit de Las Vegas et finalement Alex on s'est retrouvé avec une équipe qui était au niveau en termes de performance avec la pole de Norris et une deuxième place sous le drapeau à Damier. On est passé d'un titre quasiment assuré pour Norris à un titre qui reste probable mais beaucoup plus menacé. Je pense que c'est une conséquence du manque de roulage en essai libre où les ingénieurs McLaren ont pu mal évaluer l'usure des planches, mais c'est la seule équipe dans ce cas. C'est la seule équipe qui a été disqualifiée, puisque de manière assez inhabituelle, tout le top 10 a été contrôlé en termes d'usure de planches, et c'est la seule équipe qui a été contrôlée ainsi. Est-ce qu'il y avait besoin d'être à ce point à la limite, alors que Norris, même s'il finissait 3e ou 4e, voilà, il a assuré le coup quand même. Donc c'est un énorme loupé. Chez McLaren, il n'y a pas d'autre mot, une double disqualification en 6 stratégies de la saison. C'est un énorme loupé, une énorme faute, et je pense que des portes vont claquer. Bon, il n'y a pas de culture du blâme chez McLaren, et tant mieux, mais bon, c'est quand même un énorme loupé. Il faudra bien qu'il y ait des leçons qui en soient tirées en termes de processus. Voilà, on peut parler de malchance, de manque de conditions de roulage, de pluie, tout ce qu'on veut, mais c'est, encore une fois, c'est la seule équipe dans ce cas. Donc, c'est à ce niveau-là de compétition, cette étape-là de la saison, c'est intolérable. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient un rythme effectivement supérieur. Que Norris a fait du Norris, c'est-à-dire une pole, hein, encore une fois. Hein. Encore une pole, un troisième consécutif sur des conditions aussi compliquées, c'est franchement chapeau à lui. Hein, il mérite qu'il continue comme ça. Il mérite tout autant grâce à peine d'être champion. Hein, les deux mérites, les deux s'arrachent. Il y en a un qui ne mérite pas d'être champion, on verra. C'est Piastri qui te voit. Pour finir troisième du championnat, voilà, c'est un énorme loupé. Alors, tant mieux pour les amateurs de suspense, ça, parce qu'on va avoir une fin de saison de tonnerre. En tout cas, un Grand Prix du Qatar en jeu. Mais voilà, on est peut-être parti pour voir une fin de saison d'absolument dingue. Et voilà, vivement le Qatar et vivement Abu Dhabi quand même. Pour moi, c'est un gros carton rouge à McLaren en termes de prise de risque sur les réglages, notamment. Quand tu sais que tu as deux pilotes qui ont... Enfin, en tout cas, un pilote qui a 49 points d'avance sur le premier non McLaren, donc Verstappen, qui reste pas beaucoup de points sur la saison marquée. Il ne prend pas autant de risques sur les réglages. Alors, je sais que Red Bull s'est rapproché, hein, tout le monde l'a noté. Je sais que McLaren a peut-être besoin de pousser un peu plus sur les réglages, mais là, c'est trop de risques, quoi. Et je suis même étonné quand je vois la quantité d'étincelles qu'on a pu voir pendant la course, que finalement, ces blocs en titane, là, qui sont à 9 mm, enfin qui doivent être à 9 mm, commencent à 10, en fait, ils commencent à 10 mm, ils finissent, ils doivent être à 9 minimum. Ça finit à 8,6, 8,8, donc c'est les McLaren donc sont quand même pénalisés pour, on parle de 0,3, 0,4 mm quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est même pas un 2 mm hein, d'usure, c'est pas non plus, c'est un pouillème quoi, prenez une règle avec un millimètre dessus, prenez la moitié de ça, voilà, c'est vraiment de ça qu'on parle quoi. Et pourtant c'est ça la différence graphique sur une course, sur une voiture qui a, sur une équipe qui a pris un peu trop de risques sur les réglages par rapport à une autre. Et peut-être qu'ils ont dû aussi attaquer plus qu'ils l'ont prévu. C'est pour ça qu'on a demandé à Norris en fin de course de lever clairement le pied. Ils ont compris hein, au bout de la mi-course. Hein, si on étudie un peu les échanges radio, ils ont compris qu'il fallait vraiment lever un peu plus le pied pour éviter ça. Ça a été un peu moins dit à Piastri. Je dis ça comme ça, c'est pas pour histoire d'alimenter la. Je veux pas alimenter la théorie. C'est pas pour alimenter, mais bon, quand même. Honnêtement, si, parce qu'il y a des sites très très bien qui se penchent beaucoup sur les radios des équipes. Je cite notamment nos collègues de chez RaceFans. Voilà, qui adore décrypter l'intégralité des courses avec les radios des pilotes, et ils ont fait ceux de McLaren. Autant vous dire que Norris était briefé très très vite et très très rapidement sur le problème, peut-être je crois même dès le 20e tour. Alors qu'au Piastri, on l'a un peu laissé se battre, donc du coup prendre plus d'appui, genre de choses. Et on lui a quand même passé 3 ou 4 fois moins de messages à ce sujet-là. Donc c'est ou lever un petit peu, voilà. Donc. Au final, l'usure des deux planches était à peu près identique, hein, donc je pense que ça date aussi, on l'a peut-être moins prévenu parce que ces réglages étaient un peu plus appropriés en termes d'auteur de caisse, parce que les deux voitures sont parées de la même façon. Donc ça aussi, hein, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de théorie du complot, mais Norris a été beaucoup plus briefé sur sa planche que Piastri ne l'a été. Au final, les usures sont à peu près identiques, donc ça veut dire que peut-être que Piastri effectivement a des réglages un poil plus conservateurs en termes d'auteur de caisse. Mais voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit peu la coulisse du briefing qui a été donné aux pilotes, enfin sur le coaching, on va même dire, le coaching des pilotes par rapport à ça. C'était clairement des messages codés. Hein. L'essence n'a jamais été effectivement, voilà, et donc je pense que McLaren a dû espérer passer au travers du contrôle des planches. Je pense qu'à ce niveau du championnat, vu ce qui s'était passé aussi sur les dernières courses, je pense que maintenant, systématiquement, les protagonistes au championnat, donc je pense que les McLaren, les Red Bull, les Ferrari sont à peu près systématiquement contrôlés. Ce qui me semble logique d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment aujourd'hui la hauteur de caisse et la façon dont on règle une voiture à ce niveau-là, c'est vraiment essentiel pour la performance. Voilà. Là où McLaren a fait la différence par rapport à Ferrari et Red Bull, c'est qu'ils arrivent à avoir un peu plus d'appui sur l'avant. De la voiture, donc ils sont capables de mettre un peu plus bas la voiture à l'avant, ce qui fait que du coup quand l'appui se crée sur l'arrière ça descend un peu plus voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à générer un poil plus d'appui que les autres, ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Peut-être Red Bull ils ont réussi à rattraper ça. Voilà, donc après voilà, est-ce qu'il faut sanctionner, j'ai vu pas mal de messages dans le chat, est-ce qu'il y aura des coupables, des têtes qui vont tomber, genre de choses, non, évidemment que non, on n'en est pas là. Je rappelle comme les conditions, on était sur Las Vegas, un circuit beaucoup plus bosselé en clair que l'an dernier, conditions hyper froides, pluie pendant les séances, pluie pendant la qualification, beaucoup moins de données, des interruptions aussi, moins de données, et ouais, ça se joue à 0,3, 0,4 mm près à la fin de la course, donc c'est pas non plus un loupé magistral en termes de réglage. Non, c'est ça. On a une question de Mario Zero qui dit: le fait d'avoir pris autant de risques n'est-il pas un gros signe que McLaren n'a plus d'avance en termes de perf de la voiture? Mais bien sûr que si, mais c'est pas nouveau. Depuis l'évolution de Red Bull à Monza, l'avance de McLaren elle a disparu. Il y a un peu ce truc-là qui est notamment sur les réseaux sociaux, tous les gens qui appellent la McLaren la fusée, la rocket ship et tout ça. Mais en fait, le narratif selon lequel Verstappen aurait été champion à la mi-saison avec cette voiture, il sort de nulle part. Et les deux pilotes font du très bon, un peu moins Piastri maintenant, mais font de très bonnes performances avec. Il faut sortir les performances qui sortent. Et la voiture, eux, n'a pas évolué depuis le début de l'été. Donc, bien sûr que si, McLaren s'est fait rattraper. Ils avaient beaucoup d'avance au début de saison. Ils ont sacrifié cette avance en voulant ne pas perdre de temps sur 2026. Je pense toujours qu'ils sont allés un peu trop dans l'extrême sur cette décision-là, personnellement. Mais voilà, après, bien sûr, il n'y a plus d'avance pour McLaren. Et c'est, Ils sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied, en fait, parce qu'en voulant favoriser, entre guillemets, enfin ne pas favoriser l'un de leurs deux pilotes, ils sont tous les deux, du coup, entre guillemets, à la limite de ce que peut faire la voiture aussi. Aussi. S'ils avaient favorisé, disons, Norris, il y a, ouais. Je sais pas, il y a une ou deux courses. Piastri est devant finir derrière Norris. On n'est pas obligé de prendre autant de risques avec la voiture de Norris, du coup, en termes de réglage, du coup. Ouais. Et quitte à perdre des points au fur et à mesure sur les circuits qui conviennent moins à la McLaren qu'à la Red Bull. Et Las Vegas, je pense qu'on est un poil plus à la Red Bull qu'à la McLaren. Je pense, comme tu as dit, Manu, que le Qatar et Abu Dhabi, c'est vrai. Attention, maintenant, on ne sait plus. Hein, mais sur le papier, en tout cas. Sur le papier. Même si on n'a pas été très mauvais sur les pronostics de cette course, on y reviendra. Sur le papier, effectivement, si vous avez eu un Piastri qui était relégué deuxième derrière Norris, on dit à Norris d'assurer, et pour assurer, Norris assure de son côté, mais aussi ses réglages sont aussi conservateurs. Évidemment, conservateur a toujours une notion toute relative en Formule 1, on parle de quelques pouillèmes de pourcents, mais voilà, juste ce qu'il faut pour pas user trop la planche. Exactement. Alors on a une question de John Smith qui dit comment la circuit peut se bosser à ce point d'une année sur l'autre, il roule avec des tanks la semaine à Las Vegas ou quoi? Alors il y a eu plusieurs réponses. C'est un gros problème parce que à la fois le circuit a été vraiment critiqué pour ça cette année. Les pilotes disent que c'est un peu douteux niveau sécurité d'avoir autant de bosses sur un asphalte qui a aussi peu de grip. Mais effectivement, on a déjà les infrastructures américaines. Hein, les routes américaines sont pas très très bonnes globalement par rapport à ce qu'on peut faire nous. Les conditions ça vieillit. Les conditions sont aussi assez extrêmes à Las Vegas. Il fait quand même très chaud l'été, assez froid l'hiver. Donc voilà, tout ça, ça casse un peu ça abîme un peu le circuit. Ouais, c'est pas les racines des arbres hein, qui ont surélevé la piste, hein, on vous rassure. C'est les racines des casinos. ils poussent là-bas. Alors Zoé se demande comment l'IndyCar roule en ville. Mais en fait, l'IndyCar, c'est un tank, malgré tout. C'est pas vraiment la voiture a de l'effet de sol, mais elle fonctionne pas que avec l'effet de sol. C'est juste que les IndyCar, elles ont un brome grip mécanique. Tant vous dire que comme le Grand Prix n'est pas encore rentable, je crois, faire réasphalter les 2 km du strip, hein, c'est pas pour demain. Et puis les Las Vegasiens et Las Vegasiennes sont déjà assez pas contents de la course qui vient les faire chier pendant 3 semaines. Pour qu'en plus, on vienne leur dire, vous allez payer parce qu'il va falloir refaire l'asphalte pour ça. En plus, des boss qui, avec des voitures normales, ne doivent même pas se sentir. Ah oui, eux, ils ont des pick-up qui ont ça de garde au sol. C'est sûr que... Et eux, ils ont vraiment les boss. Les boss ou ça, des boss. C'est ça. Alors oui, effectivement, Warius, les SUV de 3,5 tonnes comptent comme des tanks. Hein. Par contre, c'est vrai qu'ils en ont aussi pas mal aux États-Unis, notamment leurs nouveaux pick-up électriques sont tous à plus de 3,5 tonnes. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est effectivement... Tu comptes l'Alpine comme... Quoique non, Gasly a fait une Q3. Ouais. C'était pas la pire voiture, et puis... Non, c'était pas la pire voiture du week-end. Et puis ils sont pas fait disqualifier au moins. Voilà. En tout cas, pour l'instant. Non, mais en tout cas, voilà. Donc, si on parle du principe que, enfin, à la régulière, voilà, moi j'étais quand même, on a quand même été déçus par Piastri, je pense. Piastri n'a pas donné de signe de réveil ou de grinta comme quoi il aurait pu se relancer. Alors c'est plutôt un gagnant en termes comptables de la double disqualification parce qu'il perd pas de points sur Verstappen, mais effectivement il se retrouve à égalité Norris. On a quand même encore pointé ses écarts hein, en Q3. Bon, alors on a dit souvent que Norris était fragile sous la pluie, fragile en Q3. Et ben il met une seconde, hein, il met une seconde en Q3 à Piastri. Alors bien sûr, bon, c'est un peu gêné Piastri par l'affaire de drapeau jaune et Adjar qui manque de tamponner, mais même en course c'était moyen bof. Hein. Mais même avant le dernier tour, si on dit allez, on annule le dernier tour de Norris parce que Piastri a été gêné, il y a 7 dixièmes après le premier relais entre les deux. Après le premier run en Q3. Puis en Q2, Norris bat Piastri de 6 dixièmes, je crois. Enfin bon, bref, c'était franchement la dynamique actuelle plaide pour favoriser Norris parce que tout simplement il écrase Piastri depuis quelques courses. Hein. Bon, le mot peut-être peu fort, mais en tout cas, Piastri imite à ce point son manager Weber qui va finir 3e du championnat. Quoi. C'est bien parti pour ça. Bah oui, et puis du coup, c'est pour ça que Norris fait conseiller par Vettel. Voilà, parce qu'il sait comment battre Weber. Petit remec. Non mais c'est dingue, la boucle est bouclée. Je pense que Vettel, il a dû voir l'opportunité de dire allez, je vais la tenter, je vais lui en mettre une. Et peut-être qu'il va remporter son premier titre à Abu Dhabi. Et puis bon, soyons clairs en plus que McLaren n'est pas très très content de Piastri aussi, puisque pour ceux qui ont suivi l'affaire, effectivement, il y a quand même eu un repost sur Instagram, sur le compte Instagram de Oscar Piastri, des propos. Franck va dire, je ne veux pas en rajouter, mais. Ah non, mais je suis obligé d'en parler, parce que McLaren a quand même recadré pour ça et que Norris l'a aussi taclé, parce que voilà, il l'a dit, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai vu ça en me réveillant. Voilà, c'est une erreur de, c'est une erreur, peut-être un mauvais appui sur un bouton. Je suis désolé pour tous ceux qui ont des comptes Instagram ici. Dans le chat, vous êtes comme 90% à avoir des comptes Instagram ou autre chose sur les réseaux sociaux. Pour repartager un truc comme ça, déjà en plus sur Instagram, c'est fou. Autant sur Twitter, on peut encore glisser un peu, mais sur Instagram, c'est quand même plus compliqué. Il s'est fait comme ça, sérieusement recadré. Je pense que celui qui s'occupe de son compte sait faire cadrer, je pense que à mon avis, c'est sa maman. Voilà, donc je pense qu'il n'y a que elle qui peut se permettre, à mon avis, de faire ça. Parce que je pense que c'est quelqu'un de son équipe qui est payé pour ça, et que c'est pas son Laval de Piastri, autant dire qu'il s'est viré, clairement. Bah, clairement. Donc il s'est fait cadrer et puis Norris il a clairement dit, voilà, pour ceux qui ont suivi aussi les actus d'aujourd'hui, que voilà, ça c'était pas acceptable du tout. Il avait franchi une ligne, il a dit. C'est ça, franchi une limite et que ça allait être discuté en interne. Donc clairement il y a de l'eau dans le gaz. Ce que tout le monde soupçonnait, voilà, depuis quelques semaines, en disant ouais, bon, il y a des soupçons de favoritisme, tout ça, non, tout se passe bien, voilà, tout ça. Il y a quand même des choses qui se passent, clairement. Ça sortira à un moment ou à un autre, est-ce que ça sortira dans l'hiver, est-ce que ça sortira quand Piastri s'en ira, est-ce qu'effectivement il y a un développement, un axe de réglage, ou quoi que ce soit, qui va plus dans le sens de Norris que Piastri. Il y a forcément quelque chose, hein, clairement, qui fait que Piastri aujourd'hui. Bah, décrocher un peu de Norris, et quand vous décrochez un peu techniquement, vous décrochez aussi mentalement derrière. Et que ça soit vrai ou faux d'ailleurs, que ça soit vrai ou faux, mais ça joue forcément sur votre mental. Et comme le disait un grand pilote français qui s'appelle Alain Prost, la performance en F1 c'est 80%, 90% de votre mental, c'est du mental. Ouais. Le reste c'est votre talent, votre capacité à piloter. Je pense que Piastri aurait pu dire, sans mon accord, on a publié un riposte Instagram indiquant que Norris était favorisé. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était un riposte des déclarations de Ecclestone qui disait que Norris était favorisé. Et le truc, c'est que, alors, moi, le favoritisme, entre guillemets, qu'il y a eu envers Norris, c'était de faire une suspension arrière qui lui convenait mieux. Mais ce n'était pas fait pour Norris, c'était fait pour que ça aille mieux. Le fait est que, depuis début juillet, Norris a eu cette suspension. Il a eu enfin l'aisance et il a arrêté d'avoir cette difficulté quand il mettait la voiture à la limite. Et depuis début juillet, factuellement, il y a un Grand Prix où Piastri était devant, c'est Zandvoort. Sinon, le reste, ça fait quand même une chier de Grand Prix, hein, ça fait plus de 10 Grands Prix, où c'est Norris qui domine. La dynamique est là. Maintenant, c'est pas un favoritisme envers Norris, c'est juste que une équipe essaie de régler les problèmes de ses pilotes. Donc elle règle les problèmes et quand les pilotes disent la voiture est limite en termes d'adhérence, de grip et tout ça et de stabilité à la limite, on développe des choses. Voilà, Norris a été capable de dire la suspension arrière pose problème, ils ont refait une suspension arrière, elle a mieux convenu à Norris, mais ça c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça arrive. Après il y a les histoires du favoritisme à Monza là où soi-disant ils auraient favorisé Norris. Bon. Ça, c'est Ah bah après, Piastri a dit lui-même que cet épisode de Monza avait joué sur sa performance. Mais après, est-ce que le fait que tout le monde en parle, il s'est pas dit, tiens, ça va me permettre d'avoir une excuse. C'est pour ça qu'effectivement, l'image qu'on a de lui, d'un gars hyper solide, hermétique, ou critique, hermétique à tout ça, en fait, c'est une façade. C'est une façade. Garde tout à l'intérieur de lui. Quoi. C'est ça, exactement. Nous avions pré-shot la chose dans les émissions en début de saison, puisqu'on disait, Piastri est très très bon et est inamovible pour l'instant, attention le jour où il y aura un grain de sable dans l'engrenage. Et factuellement, le moment où ça a commencé à partir, c'est là que ça a commencé. Il a dit même, après Monza, il y a eu Bakou. Le pire Grand Prix de l'année. Il avait déjà des signes de faiblesse avant. Moi, je maintiens que tout l'été, il est derrière Norris, à part à Zandvoort, et surtout, il fait déjà des erreurs. Il y a quand même deux fois où il manque d'harponner Norris de très très peu. En Autriche et en Hongrie. Donc, c'était pas exacerbé comme ça, parce qu'effectivement, il n'était pas dans cette dynamique de stress et de problèmes, mais on sentait déjà qu'il était un peu plus à la limite. Et on voyait dans ses déclarations, ça aussi, on en avait parlé, on voyait dans ses déclarations qu'il changeait. On n'était plus sur le Piastri tout gentil, genre tout se passe bien et tout ça. On commençait à dire oui, il n'était pas content, il râlait et tout ça. Et je pense que, effectivement, après Bakou, ça a été le moment où là, il s'est effondré en se disant je peux faire deux conneries sur le même week-end et faire un zéro pointé comme ça. On pose la question, comme je l'ai entendu, autre part, s'il y avait du favori, quand ça se fait qu'on n'entend pas Weber. Willy Weber. En fait, il écrit Weber Gersel B, du coup, j'ai pensé à Weber. Oui. Marc Weber, en fait, lui, il parle pas aux médias, il parle aux autres équipes. Marc Weber, lui, il prend la température, lui. Ouais, c'est ça. Je te dis quand même qu'il y a ça commence à lancer un peu des lignes un peu partout, et même du côté de chez Ferrari. Donc, Alors moi je vais pas mettre 20 balles dessus parce que voilà, ça coûte cher. Bon. mais je suis interdit bancaire. J'aurais bien aimé faire à Paris, je ne peux plus, mon banquier me l'a interdit. Non, non, mais je pense que quand même que il y avait eu des rumeurs d'un échange, enfin de discussion mutuelle pour que Leclerc rejoigne McLaren et que Piastri rejoigne Ferrari. Pour moi, ça va faire, ça va toujours être peut-être pas en discussion, mais en réflexion en tout cas, des deux côtés. Et voilà, moi je serais pas exclu que Ferrari ait totalement un duo différent en 2027 et que voilà et que Piastri parte rapidement de McLaren, alors que même s'il était là comme étant encore en début d'année présenté comme l'avenir de McLaren, factuellement c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. On n'a pas commencé par McLaren, contexte d'année. Oui, contexte d'année. Merci pour ton abonnement de 10 mois consécutifs. Effectivement, on commence pas par McLaren, on a fait Red Bull avant et on n'a pas. On n'a pas disqualifié McLaren ici parce qu'on s'est dit que. En fait, on l'a pas dit à Manu, ne hein, lui dites pas. Alors, la deuxième place était incroyable. C'est comme dans Goodbye Lenin, faut pas les... sinon ça lui fera un choc. Non, moi, je suis content, il a 42 points d'avance, donc ça va, on est large. Mais... Quoi? voilà. Du coup, c'est juste qu'on s'est dit que la situation au championnat est tellement imbriquée entre les deux qu'on allait en parler à la suite. Et puis comme ça, les fans de McLaren n'ont pas à attendre la fin de l'émission. Comme ça, Manu va pouvoir se coucher juste après. Ouais, moi, je me remets en PLS, vous finissez sur moi. Je laisse tourner le live. Non, plus sérieusement, voilà, c'est juste pour alors ça. Après, pas de favoritisme envers McLaren dans cette émission. Oui. On a fait un article sur le site. Et donc, il faut quand même relativiser. Hein. Norris peut plier le match dès le Qatar. On répète, il a 24 points d'avance. C'est quasiment une victoire. Alors qu'il reste deux Grands Prix plus un sprint. La McLaren, alors Red Bull est très forte, mais la McLaren va être un peu meilleure Qatar à Abu Dhabi, même si rien n'est joué. Donc voilà, c'est Norris a quand même une balle de match. J'ai envie de dire deux balles de match à Abu Dhabi. Donc voilà, alors on sait que Verstappen a l'habitude d'aller chercher des titres à Abu Dhabi de manière un peu inattendue. Et ce serait un immense exploit. Mais voilà, rien n'est joué. Puis Verstappen lui-même n'est pas à l'abri d'un problème également. Hein. Il y avait vraiment un trou de toute petite souris. Là, c'est un gros rat. Mais ça peut passer. Mais voilà, Norris peut plier le match. J'aurais peut-être mis une petite niche de Chihuahua, moi, tu vois. Mais... Chihuahua de Charles Leclerc. S'il venait à gagner au Qatar, d'ailleurs, il serait quasiment champion, voire champion, selon son résultat du sprint. Donc, il y a effectivement un scénario quand même plausible dans lequel Norris peut être champion, et je dis pas ça que pour me rassurer, vous en faites pas, c'est aussi parce que voilà, c'est vraiment factuel, pour l'instant il y a encore une avance. Par contre, la question, avant de passer à d'autres équipes, la question que je voulais vous poser, c'est, à votre avis, est-ce que les Papaya Rules doivent prévaloir sur tout ce qui se passera à partir de là, ou est-ce que maintenant que Piastri n'est même plus en avance sur Verstappen, et je veux votre avis à tous les deux, ouais, est-ce qu'il faut dire maintenant stop, on arrête? Et on met des consignes pro Norris. Clairement. La réponse est oui, mais j'ai envie de dire il y a même pas besoin en fait. Il y a même pas besoin, c'est la dernière course. C'est ça. Les performances actuelles font que ce qui s'est passé avec aussi en interne sur les tensions, voilà. Pour moi, ça justifie totalement. Le fait voilà. Imaginons que McLaren domine, qu'il y ait Piastri en tête et Norris deuxième sur la ligne au Qatar. Moi, je pense qu'il faut inverser. Le problème, c'est que voilà, là, on peut prédire des huées très très fortes pour Norris, ça c'est sûr. Hein. Et le public va détester et son titre sera peut-être entaché de cela. Mais en fait, il mérite totalement la régulière. Par contre, depuis Bakou, il n'y a pas photo. Si Verstappen réussit déjà à finir deuxième du championnat, ce sera une superbe victoire pour lui. Hein, parce que réussir à battre le pilote McLaren, ça sera déjà très très beau. Hein. Là, on en prend le chemin. Hein. Là, je vois pas comment passer. Après, ouais, pour moi, il y aura quand même eu une demi-saison où il aura une voiture aussi bonne que les McLaren, hein, donc, au total. Donc, y a pas, attention, il a très mal pris ce genre de questions à Sky Sports dimanche soir. Après, s'il n'aime pas la vérité, c'est pas mon problème. Le fait est que la Red Bull a quand même, depuis Monza, elle est au niveau de la McLaren, voire des fois devant. Et il y a quand même eu des grands prix avant, genre le Japon, par exemple, j'y pense, parce que c'était vraiment domination de Verstappen, où certes, il étrit Tsunoda qui en plus découle la voiture, mais si la voiture, il la met devant à ce point-là, c'est qu'elle peut être devant à ce point-là. On en revient toujours au même point que la voiture vaut ce que les pilotes, enfin, ce que le meilleur pilote en fait, pas ce que le moins bon pilote en fait. Donc, je suis d'accord, mais pour moi, Verstappen, il est quand même un cran au-dessus. Je pense aussi que Verstappen est au-dessus des pilotes McLaren en termes de talent pur, en termes de régularité, en termes de défiance des conditions. C'est-à-dire que lui, quoi qu'il arrive, le week-end va bien se passer. Il n'y a jamais un truc qui va l'atteindre, il n'y a jamais un truc qui va l'empêcher d'être performant. Quelques courses où c'était un peu, on a vu quand même que bah, quand la voiture ne veut vraiment pas, il ne peut pas non plus. Hein, c'est pas, non, il ne fait pas de miracle et c'est bien parce que ça montre aussi que quand il est au niveau, c'est que lui fait fonctionner la voiture. Mais oui, non, après, moi, dire que Verstappen est le meilleur pilote du plateau, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Dire qu'il aurait plié la saison à la mi-saison avec une McLaren, c'est totalement faux. Et ça n'a aucune base logique à part les gens sur Twitter. Donc, ce n'est pas grand-chose comme base logique. Voilà, en tout cas, pour ce truc. Et moi, je suis d'accord avec vous. McLaren, au cas où Piastri ait un réveil de dernière minute et se retrouve à être dans le même niveau que Norris en piste et au chrono. Il faut lui dire, là par contre. Tu ferais très bon politique quand même en disant que. Il y a plein de gens sur Twitter qui pensent ça, mais toi t'es pas d'accord. Mais oui, non mais c'est vrai. Non, tu mais te rends compte quand même que bon. Non mais parce que. Bah, non mais en fait, le problème c'est que les gens qui disent ça n'ont pas d'argument. C'est genre, il aurait plié la saison. Mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça? En quoi la saison de Norris est si mauvaise? Parce que Norris, il fait une erreur en Q3 à Jeddah, il fait sa connerie au Canada. À part ça, sa saison elle est très bonne. Sur 17. Sur, bon là, je mets pas la disqualification, mais sur 21 courses avant ce week-end, il y avait 17 podiums, 7 victoire, il y avait que deux abandons et deux courses hors du top 3. Je veux dire, c'est pas, enfin c'est une très très bonne saison dans tous les standards de la Formule 1. C'est pas une mauvaise saison. Donc faut arrêter de dire que Norris a fait une mauvaise saison. Il faut arrêter de dire Verstappen aurait plié la saison à la mi-saison. C'est faux. Verstappen aurait certainement plié le favoritisme envers lui, je pense. Peut-être. Oui, ça c'est fort possible. Par contre, effectivement. Voilà. Ça, c'est, je pense, en même temps, il aurait peut-être pas voulu d'un Norris à côté de lui, et du coup, il aurait peut-être eu Tsunoda à côté de lui. Ben voilà, parce qu'il y a aussi un choix d'équipier. Bon, Van Dorn, depuis le 21-0 avec Alonso, lui, il a décidé d'arrêter toutes ses conneries. Mais... en plus, il s'était fait humilier par Alonso qui avait dit que, franchement, vu que c'était un très bon pilote, il voyait pas comment il était capable de lui mettre une telle rousse, en gros. Bon, bref, ça, c'est du Alonso dans le texte. Voilà, en tout cas, pour McLaren. Mais voilà, un petit coup de stress. Moi, je vous avoue qu'hier, j'étais pas très bien. Et, sans le roussi. Non, pas encore. Selon comment se passe le Qatar, par contre, je vais vraiment vivre une saison catastrophique avant Abu Dhabi. Je vais peut-être vivre mon Abu Dhabi 2021 en 2025. Moi, si Norris gagne ce championnat, tu fais péter l'amalgame en 1/8 parce que tu es pas prêt d'en payer. C'est clair. Ah, mais alors là, je mets. Ah, ouais, non, mais c'est clair. Alors, question de Mollusque, est-ce que vous pensez que McLaren va laisser une marge plus grosse que prévu initialement sur la hauteur de caisse au Qatar? Alors, sauf erreur, c'est quand même un circuit qui sera moins problématique. Oui. C'est un billard pour le coup, le Qatar. C'est un billard, et à Abu Dhabi, on a un Abu Dhabi, donc il y aura. Normalement, il y aura. Bon, j'allais savoir, mais normalement, ce problème-là ne va pas se représenter. Mais peut-être qu'ils seront plus conservateurs, peut-être qu'ils vont flipper, qu'ils vont être plus conservateurs et que ça leur fera perdre un peu en performance. Hein. C'est aussi ça. Hein. Ouais, mais je pense, après ils dégagent quand même une bonne solidité. J'ai pas l'impression qu'ils vont céder à la moindre panique. Il faut pas qu'ils cèdent à la panique parce qu'ils ont quand même la main sur ce championnat en fait. Ils ont quand même refusé de faire la conférence de presse hein, après la disqualification. Mais parce que je pense qu'ils avaient pas. Certains pilotes étaient partis, mais Stella et Brown étaient encore là. Hein. Ah, et puis au Qatar, on va avoir les Pyrénées qui vont exploser sur les McLaren. Ah, d'ailleurs, je prédis 2 arrêts minimum au Qatar. Ouais. Moi, je pense. La stratégie à un arrêt me paraît totalement. Non, pour ceux qui ne comprendraient pas la blague, ils ont limité les relais, donc on aura forcément au moins 2 arrêts. 2 arrêts à 10 secondes pour Norris. Et du coup à Piastri, parce qu'il ne faut favoriser personne. Bah oui, ah oui, parce que comme ils ont disqualifié Piastri, Norris, ils ont dit bah, Papaya Rules sont disqualifiés Piastri aussi. Il y a un mec qui passait avec une lime derrière à la fin. Allez, c'est bon. Ah non, mais du coup, il faut faire exploser un moteur à Piastri alors. Exactement. Bah, ça... C'est là pour l'instant, quoi qu'en disent les gens, c'est Piastri. Attention, hein, parce qu'on arrive en fin de saison, les moteurs Mercedes ont toujours l'air un peu plus fragiles. Red Bull a mis un nouveau moteur dans la voiture de Verstappen au Brésil, donc on ne sait jamais le kilométrage. Tu ne peux pas pénaliser Piastri tant que Verstappen est là, parce que si c'est Norris qui se prend un accident, une collision, n'importe quoi, c'est Piastri qui risque peut-être de devoir sauter le titre. Mais oui. S'il ne se décide pas à le favoriser dès le Qatar, ce qui, à mon avis... Sera le cas. Enfin, je vois pas comment on ne peut plus ne pas favoriser Norris. Autant en termes de marge que de performance actuelle des pilotes. La dynamique est tellement ancrée entre les deux. Enfin, je veux dire, ça fait quand même 2 mois et demi que Piastri n'a pas battu Norris. C'est fou. C'est là qu'on voit Piastri battre Norris. Ouais, mais justement, ça, c'est... Piastri peut aller chercher le titre encore lui aussi, hein. Faut pas l'écarter. Si jamais oui, mais bien sûr, évidemment. C'est exceptionnel, c'est ça la folie. L'avantage pour Norris, c'est que Piastri verse à peine ses bouffes. Et... Comment tu peux dire à Piastri alors qu'il reste 58 points que toi t'es à 24, mais non, tu voilà. Joues plus. En tout cas, on va avoir une lutte à 3 avec des batailles internes. Verstappen qui aura le couteau entre les dents, ça va être génial. Donc restez avec ça. Nous. Mmh. Puis ils sont tous ça, titre pour ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, Qatar, Abu Dhabi, ça s'enchaîne avec des fuseaux horaires de dingue, 11 heures de décalage entre Las Vegas et le Qatar. Les 13 000 km. 12 heures, je crois. 11 heures. Sont épuisés. Et c'est pas non plus comme si. Donc les équipes sont absolument épuisées. Donc il peut y avoir des erreurs, les mécanos. Donc la fin de saison va être dingue. Et voilà, dommage qu'on ait que 24 courses. Hein. Il a raison. Chez Red Bull, ils ont dit s'ils favorisaient Verstappen ou si Tsunoda avait encore une chance. ou... On départage tout le monde avec un Grand Prix de Noël le 5 décembre. Bah oui. Avec Michael Masi en directeur de course. Oh non. Ah bah quitte avec à faire ça. Avec un double leader vers le Grand Prix du Nouvel An, le Boxing Day. Ah mais oui. En Afrique du Sud, comme la tradition. Ce dont on peut se réjouir, je dis bien réjouir entre guillemets pour préserver notre Manu national, c'est que si McLaren perd le titre pilote, c'est quand même pas un facteur externe. C'est eux-mêmes qui se sont mis le. Moi, ça me réjouit pas. Je crois que c'est encore. Non, c'est pas pire, mais. Ce serait. T'aurais préféré qu'un Michael Masi. Non. Sur course un peu des. Voilà. Bon, voilà. Moi, ce sera la régulière. C'est clair. Non, parce que déjà que Abu Dhabi 2021, je l'ai encore en travers, alors que j'étais pas forcément. J'avais pas énormément de parti pris, mais là, ouais, je serais un peu dégoûté. Donc, à Abu Dhabi 2021, encore une fois. Toujours, mais ça, c'est une obligation contractuelle dans cette émission. On va passer à Mercedes. En parlant d'Abu Dhabi 2021, on va passer à Mercedes. Non, rien à voir. Oh, c'est méchant. Ça va, je peux pas parler d'Hamilton non plus. Ou avec Mercedes qui signe un double podium sur tapis vert hein, à Las Vegas, c'est plutôt pas mal, et qui ne s'attendait sûrement pas à un tel résultat d'ensemble quand Antonelli était qualifié 17e et que Russell était qualifié en deuxième ligne. Hein. C'est vrai que c'était pas espéré au départ pour eux. Le fait est que le week-end a été plutôt bon chez Mercedes, la voiture fonctionnait pas trop mal globalement, et puis ça a été un très bon week-end de Russell. Antonelli a fait une mauvaise qualif, mais le reste, il a quand même fait une très très belle course, donc il sauve bien son week-end. Et un gros pas en avant pour la deuxième place du constructeur, chez les constructeurs du moins pour Mercedes. Alex. Bah ouais, très bon week-end. Après, l'an dernier, elles étaient stratosphériques, et ici, elles étaient juste très bonnes. Donc évidemment, c'est très bon, ça fait un double podium. Après voilà, vu l'an dernier, il y avait peut-être... un poil de déception, d'autant plus qu'en course, Russell n'avait pas le rythme pour suivre un Norris qui devait déjà ralentir de 20e tour à cause de l'usure des planches. Russell l'a dit d'ailleurs pourquoi, hein, il a essayé de suivre Verstappen après son premier arrêt, il a bousillé ses pneus en deux tours, donc c'est pour ça qu'il a eu du mal à le suivre, et d'ailleurs il a même failli se faire attraper par Antonelli à la régulière en fin de course, donc c'était clairement c'était quand même la troisième force, hein. Mercedes, donc c'est pour ça que ouais, c'est un très bon week-end, mais on entendait peut-être... un excellent. Après, l'opération, elle est très claire au constructeur. Hein. C'est la deuxième place là qui va tendre les bras à Mercedes. Et bon, mais c'est vérité parce qu'ils ont quand même une bonne voiture. Et voilà. Moi, j'avais du mal non plus à applaudir des deux mains parce que j'en attendais un petit peu plus quand même de ce week-end, même si Fourcade a donc été quand même très bon du côté de Russell, du côté aussi, on en reviendra d'Antonelli pour le dimanche. Ouais, effectivement, Antonelli qui fait un relais quasiment d'une course complète avec ses pneus et qui a réussi, je pense, à éliminer le graining et à retrouver une bonne phase de performance du pneu. Et c'est vrai qu'en fin de course, avec ses pneus les plus vieux du peloton, il était rapide comme les leaders. Ça, c'était assez impressionnant. Toi, Franck, que retires-tu de ce week-end de Mercedes ? Non, j'ai pas grand chose de plus à ajouter que qu'Alex. Après, tous les deux, on était partis sur une. On reviendra sur une victoire de Mercedes sur ce circuit. Force est de constater qu'en termes de performance, c'était quand même plutôt bien. Hein, c'était quand même plutôt là. En tout cas, en essai, c'était quand même assez prometteur. Ça aurait pu tout à fait faire ça. Effectivement, après, on est sur un circuit où les conditions aussi ont peut-être pas forcément aidé à ce qu'ils trouvent les meilleurs réglages possibles. Notamment pour la course. Mais ça reste quand même très très beau résultat d'ensemble. Russell sur le podium au mérite, certes il gagne une place avec la disqualification de Norris. Et puis Anthony qui nous fait une super course effectivement avec bon, la grande chance que les Pirelli se dégradaient absolument pas. Ouais, voilà, quand même petit, voilà. Petit carton jaune à Pirelli. Hein, parce que... Alors, ouais, carton jaune, mais bon, toujours pareil. Tu vois, c'est, Esteban Ocon a dit en fait, Pirelli a fourni les pneus qu'on voulait sur ce coup-là, c'est-à-dire pouvoir attaquer sans arrière-pensée. Et en fait, ouais, ça a été un sprint de 50 tours quasiment pour la plupart des pilotes. Donc voilà, très très belle remontée d'Antonelli. Je pense que lui, il avait les bons réglages et il prouve encore, là, si besoin était qu'après sa mauvaise passe de la saison européenne, il est vraiment là et solide et il a une science de la course qui est en train de se développer qui commence à être très intéressante pour l'équipe. Donc c'est extrêmement rassurant, je pense, parce que bon, il finit 5e à la régulière, donc 3e sur le podium. C'est quand même vraiment bien joli, joli. Ouais, je n'ai pas beaucoup plus de choses à rajouter, mais je crois qu'on a oublié justement une petite page sur la FI. Ah, avant peut-être de... Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas... La suite. On n'avait pas dit où on allait... Bon, on va finir par Mercedes par le hors-piste quand même avec Toto Wolff qui a vendu des parts aussi, qui s'est délesté de quelques Ah oui, il s'est remboursé même, tu veux dire. Oui, il s'est remboursé. Il y a 33% de mes parts, en vendant 15% de ses propres parts, il a remboursé totalement la mise qu'il avait mise pour acheter l'équipe. C'est magnifique. Ouais. La valorisation de la F1, c'est 6 milliards d'euros du coup, la valorisation de Mercedes F1. C'est... Ouais. C'est incroyable. Et bien joué à Toto Wolff qui non seulement est un excellent businessman, mais en plus a réussi quand même à rafler un paquet de titres entre les deux, entre son achat et sa revente partielle. Donc là-dessus, on peut dire que la dernière décennie pour Toto Wolff, ça a été plutôt pas mal, globalement. Mais effectivement, voilà, donc c'est le. Il pourra payer un café à Horner qui n'est pas propriétaire de son équipe et qui, même après avoir touché 50 millions, paraît presque pauvre. on va y revenir à Christian Horner un peu plus tard dans cette émission, restez là. Et donc, c'est le PDG de CrowdStrike qui est un sponsor de Mercedes qui s'est porté acquéreur des pourcents qu'a délesté Toto Wolff. Voilà. Alors effectivement, on n'a pas fait de page à proprement parler sur la FIA, mais puisque... On voulait en parler au moment pour le départ, notamment. Voilà, on voulait en parler au moment du départ, c'est vrai que donc on a parlé de l'échange un petit peu de position entre Verstappen et Norris. Et alors, il y a eu derrière un peu de chaos, comme c'est souvent le cas à Las Vegas avec cette piste froide et les pneus froids dessus, puisque Liam Lawson est allé percuter Oscar Piastri, puisque Gabriel Bortoleto est allé percuter Lance Stroll, et un seul des deux a été pénalisé. Alors déjà, avant de passer à la suite, parce que la suite est encore plus grotesque au niveau de la FIA, mais déjà ça, la justification amenée est que Lawson a été perturbé par le blocage de roue de George Russell devant lui, et que c'est donc une circonstance atténuante, ce qui fait qu'il ne prend pas de pénalité. Là où il n'y a pas de circonstance atténuante, donc même le fait qu'on est au premier virage pour Bortoleto qui prend 5 places de pénalité au Qatar, donc 10 secondes, donc même pas la 5 secondes qu'on met normalement pour un premier virage. Alors bah là, c'est un manque de constance totale de la FIA, totale, puisque normalement au premier tour, on met toujours une circonstance atténuante quoi qu'il arrive, donc Bortoleto ne doit jamais prendre ses 5 places, et en mettant une circonstance atténuante, on met toujours 5 places, on met quand même, si jamais il y a une pénalité, on peut mettre des pénalités, donc c'est, Lawson n'en prend pas. Donc, moi, je suis... je pousserai un coup de gueule après, parce que j'ai plus grave à leur reprocher, mais vraiment, ce manque de constance sur les pénalités de la FIA, c'est quand même un gros, gros problème. Et on va dire qu'après le fiasco un petit peu du Brésil, où ils ont respecté le règlement à la lettre et que c'était n'importe quoi en termes de... voilà, qu'ils ont pénalisé Piastri, que ça a fait un gros débat, on en a encore reparlé ce jeudi. C'est quand même un énorme problème, Franck. Qu'est-ce que tu as J'y vais sur le sujet, parce que je l'avais vraiment défendu Piastri, moi, sur le dernier Grand Prix au Brésil, en disant effectivement que c'était vraiment pas normal de pénaliser autant par rapport à l'action qu'il avait faite. Et, alors certes, on n'est pas sur un départ, on était sur un restart, donc là pareil, c'est même pas considéré de la même façon. Alors que vraiment qu'il bouge pas sa trajectoire, il fait quelque chose de très propre, il se prend du coup 10 secondes, et Lawson il fait vraiment un strike, bon certes qui est mesuré, parce qu'il n'est pas éliminé de la course non plus, mais bon, il est fortement gêné. Et il se prend strictement rien du tout. Donc, c'est encore une fois, on juge plutôt la conséquence que la cause. Mais surtout, voilà, comme tu l'as dit, jeudi, les pilotes de F1 ont vraiment rejoint notre avis à tous, en tout cas le mien, je vous laisserai parler entre nous aussi, mais selon lesquels les guidelines qui ont été dictées sont à revoir. D'ailleurs, ils vont revenir dessus au Qatar lors du briefing des pilotes pour en rediscuter, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment plus adaptées, à force effectivement de tout voir, tout juger à la lettre de ce qui est écrit sur ce document. Mais effectivement, il y a typiquement voilà, le cas qui s'est posé ce dimanche, quelque chose d'extrêmement incongru. Bon, après, pour la panne de cerveau de Bortoleto sur le départ, bon, en même temps, 5 places, ça me semble presque sympathique. Alors, c'est peut-être une vengeance de ce que Stroll devait faire au Brésil, donc c'est très marrant, parce que c'était l'inverse qui s'est passé au Brésil. Mais ça aurait pu effectivement faire beaucoup plus de dégâts. Et puis, voilà, dans le lot, vous avez les Alpines qui ont perdu du terrain. Il y a eu pas mal de mouvements dans le peloton. Et effectivement, il y a une grosse inconscience de la FIA sur les pénalités. Et clairement, je pense que ça va être. D'ailleurs, Piastri l'a dit, hein, Piastri l'a dit, je comprends absolument pas. Voilà, mais j'ai même pas plus à dire que ça. On va de toute façon en parler. Ce sera le vendredi, du coup, parce que le briefing des pilotes, c'est toujours le vendredi après les séances d'essais libres 1 et 2. Bon, là, pour le coup, Qatar, ça sera libre et sprint. Libre et qualif sprint. Donc, du coup, ils vont remettre à plat un petit peu ce qu'il faut changer sur ces guidelines, parce qu'elles sont. Elles sont appliquées trop à la lettre et ne laissent pas justement assez de latitude aux commissaires, parce que même les commissaires l'ont dit, en fait, c'est quand ils ont un document, ils sont un petit peu obligés de s'y tenir pour des questions de cohérence et de constance, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et même ça les enferme aussi dans des boîtes à sanctions, et même dans des boîtes à pensée, parce que j'appelle ça des boîtes à pensée, dont ils ne peuvent pas sortir. Parce que là, même, je pense qu'en termes de bon sens, je parle juste de bon sens, pour moi, Piastri ne devait pas avoir 10 secondes, 10 secondes au Brésil. Quoi. Et tout le monde l'a dit d'ailleurs. Hein, quand tout le monde a été interrogé dans le paddock jeudi à Las Vegas sur la pénalité de Piastri, tout le monde a trouvé ça inadmissible. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire que ça là-dessus. En tout cas, sur la partie pénalité FIA. Alors, moi, c'est vrai que je te laisse la parole à Alex après. Ça me fait rire que tout le monde se plaigne des guidelines quand déjà, un, elles ont été signées par tout le monde, et deux, on a le moyen de s'en passer. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui prendre ces guidelines, les foutre à la broyeuse et repartir sur ce qui se faisait avant, c'est-à-dire respecter les deux règlements mis en place par la FIA, je le rappelle, qui sont un, le règlement sportif, deux, le code sportif international, dans lesquels on retrouve absolument tout ce dont il y a besoin pour gérer toutes les situations, toutes sauf celle où Max Verstappen fait n'importe quoi, puisque je le maintiens. Verstappen s'est offusqué jeudi. Oui, les guidelines, c'est n'importe quoi. Le fait est qu'elles sont toutes issues deux moments où Verstappen a lui-même fait n'importe quoi en piste. Donc, c'est un peu le moment, c'est un peu du culot de s'en plaindre maintenant. Et les pilotes s'en plaignent, ils ont tous signé à l'époque, plutôt que de dire, bah non, on n'est pas d'accord. On a un code sportif international qui est très clair sur plein de choses. On a un code, parce que ça, en fait, le code sportif international, lui, s'applique à toutes les disciplines FIA, avec une espèce de. Ce sont des directives, hein, c'est littéralement les guidelines de la FIA sur comment se comporter en piste. Et ensuite, il y a un règlement spécifique à la Formule 1 sur les choses qui ne sont pas dans les guidelines, qui nécessitent moins d'interprétation et plus de factuel. Donc, en fait, on a exactement, avec ces deux règlements ensemble, la possibilité d'avoir ce que cherchent aujourd'hui les pilotes et la FIA, c'est-à-dire un règlement qui est cadré, mais qui laisse place au bon sens. Sauf que personne ne le connaît, puisque les commissaires n'ont jamais fait l'effort de l'apprendre. On l'avait vu, ça fait 4 ans et demi qu'on fait cette émission, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a eu beaucoup de fois, notamment en fin de saison 2021, où la FIA n'a pas pénalisé Verstappen un paquet de fois, alors qu'il y avait un cadre légal pour le faire. Et derrière, il y a eu ces créations de guidelines jusqu'en 2024, avec leur signature officielle par les pilotes, etc. Mais en fait, aujourd'hui, la situation, elle serait très facile à revenir à revoir en mettant en arrière. Le truc, c'est que il faut que la FIA ait derrière le courage de pénaliser les pilotes qui sortent de ce cadre, tout simplement. Et ce qui n'a pas été fait, le laxisme en fait des commissaires pendant quelques années a mené à ce qu'on doit faire des choses, parce que le laxisme a mené à une escalade et l'escalade a mené à des contre-mesures d'urgence, mais en fait qui étaient totalement pas nécessaires selon moi. Donc je trouve ça totalement débile. Le débat actuel pour moi est un non-sens total à ce que la F1 et la FIA veulent. Et en fait, je ne comprends pas que personne vienne se dire « Mais attendez, en fait, le cadre, on l'a déjà. Il suffit juste de virer ces trucs qui ont été rajoutés artificiellement pour cadrer des choses qui, normalement, si tous les pilotes avaient du bon sens, ne devraient pas être cadrées. » Voilà. Donc après, c'est mon avis, mais je pense que là, on a un débat qui ne sert à rien, en fait, qui n'a pas besoin d'être. Je ne sais pas toi, Alex, ce que tu penses de ce débat et de ces faits. Je suis d'accord pour les guidelines à jeter à la poubelle, et puis moi j'en profite pour remettre dans le débat la proposition de Sainz et des commissaires permanents. on a un sport qui est professionnel, il faut des arbitres professionnels. Voilà. Totalement. Et Sainz a dit qu'on ne vient pas me parler d'argent parce que ce serait trois postes à temps plein. Puisque le quatrième serait un pilote, je pense qu'il resterait consultant et qu'il ne serait pas forcément payé, lui. Oh, si. Ben Soleim irait parler d'argent. Il irait toquer. Oui, oui, oui, non, mais bien sûr. Ben Soleim, mais Sainz a dit de l'argent à F1 et à FIA, il y en a. Ne viennent pas me parler d'argent, c'est faisable. Et il a raison. Évidemment, Ben Soleim n'aime pas parler d'argent, mais factuellement, Sainz a raison, ce n'est pas un sujet. Tout, le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition-là, parce qu'il y a quand même des pilotes qui sont contre hein, de, le fait d'avoir des commissaires permanents, parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un billet qui s'installe au fur et à mesure d'un commissaire face à un pilote. Ça a été clairement dit. Hein, donc, Eh bien, tu fais une équipe plus grande. Tu mets 6 commissaires. Comme ça, s'il y en a un qui a un biais, les 4 autres, les 5 autres rectifieront le truc. Tu fais la majorité. Ouais, ou tu fais un vote électronique en ligne. Voilà, et tout le monde vote. Fais voter les fans. Fais voter les fans sur Twitter. Voilà. Après, on fait voter la pénalité du jour et le pilote du jour à la fin. À qui on rajoute 10 places. Il y a un truc qui s'appelle les jurys dans des compétitions. Enfin, je sais pas. C'est... Non, mais on est d'accord. C'est non, mais qu'il y ait au moins le commissaire pilote qui soit permanent. Mm. Pour qu'il y ait une constance dans les discussions. Parce que si lui, comme, comme à la RATP, dès qu'ils mettent une pénalité, ils touchent une commission. Après, maintenant, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus que 2-3 commissaires pilotes permanents qu'on voit tourner. Hein. C'est Luzzi, ouais. Je sais plus qui. Bernoldi. Bernoldi, voilà. Et puis, des flèches. Non, je rigole, ce sont des flèches. Waouh, non, non, mais ça me fait rire parce que Bernoldi, c'est vraiment le mec. L'écreur du présentateur. Non mais Bernoldi, c'est le pauvre, son seul fait d'arme c'est d'avoir bloqué Coulthard dans la Monaco en 2001. Le fait est que ce sont des pilotes professionnels et qu'ils ont totalement leur place, là-dessus je remettrai jamais en cause ce qu'ils disent, c'est eux qui ont été dans les voitures et c'est eux qui savent. Mais t'as pas fait que ça, je crois que t'as fait des vidéos de tous les pilotes. Ah mais bah Bernoldi, y a pas plus de 4 lignes, ça va, c'est très court. même ChatGPT t'as pas aidé à en faire plus. Heureusement j'ai qu'à pas avec ça. Non mais même ChatGPT, je suis sûr qu'il m'aurait dirait non là j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je rigole. Non, non, mais il a jamais couru. Non, mais voilà, disons que au moment de choisir un pilote de faire une biographie, j'ai pas pris Bernoldi, quoi, ça c'est sûr. Mais au demeurant, c'est un très beau pilote quand même, puisqu'il a atteint la F1. Quoi qu'il arrive. Non mais c'est vrai, il a atteint la F1, donc c'est forcément un bon pilote, et pour le coup, il a totalement sa place quand même en tant que commissaire permanent, enfin commissaire de course, là-dessus, il n'y a pas de doute. Si, apparemment. Mais non, mais c'était juste pour le tacler, c'était une petite réflexion. Mais voilà, il faudrait Lucas de Grassi. C'est ça parce qu'il roulait en orange avant les McLaren, c'est tout. Non, mais il a été équipé de Friendly. Devant une McLaren. Exact. C'est pour ça que je lui en veux encore, tu vois. Non, en plus c'était Coulthard qui avait chié son départ et qui était un truc tout seul au fond. Donc, c'est déjà. Bah, McLaren se sabotait déjà à cette époque-là. Donc voilà. Et donc, alors, bon, évidemment, on a ce débat-là qui est un petit peu révoltant, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'a fait la FIA après, puisque au deuxième tour, les pilotes sont arrivés sur une zone de drapeau jaune. Au premier virage, donc virage quand même qu'on a vu au tour d'avant dans lequel il n'y avait pas d'adhérence, avec des pneus froids ou encore pas très chauds, et on a vu un troupeau de commissaires, je pense qu'ils étaient peut-être 10 ou 12 en extérieur de la course. Là, ce soir. Non mais c'est-à-dire qu'il y avait littéralement, c'est pas genre il y avait un commissaire ou deux comme à Mexico, il y avait carrément 12 commissaires, je crois que j'en ai compté 11 ou 12, ils voient mieux. Qui étaient qui était au premier virage dans le dégagement. Et alors la FIA a été interrogée après ça là-dessus, parce que tout le monde a dit c'est un peu choquant qu'il n'y ait pas de voiture de sécurité virtuelle sur ce... La France qui s'en met pas. Bon, il y a un troupeau comme ça, il est vu. Et... et donc, non mais voilà, mais c'est que vraiment c'était scandaleux, parce que c'est à dire qu'en fait tu ne peux pas ne pas les voir du coup. Et c'est pas comme si t'es un commissaire qui prend la décision d'y aller tout seul, il est un petit peu en bord de piste. Tu te dis effectivement peut-être que la direction de course l'a pas vu, que quelqu'un n'a pas respecté l'ordre. Mais là, si on a envoyé 12 personnes en piste, c'est que tout le monde le savait et que tout le monde les a vus. Et donc les pilotes sont arrivés là-dessus, pas de voiture de sécurité virtuelle, alors qu'il y a eu un tour quand même pour le temps que les pilotes reviennent, donc le temps de mettre une VSC. Et donc les pilotes sont quand même passés, parce que je rappelle que drapeau jaune ça leur demande de bien ralentir, mais il n'y a pas de delta de ralentissement comme il y a sur une VSC où là on ralentit à 40% du temps, enfin de la performance habituelle. Donc les pilotes peuvent quand même arriver fort, hein, c'est à dire qu'au lieu d'arriver à 320 au bout de ligne droite, ça arrive quand même à plus de 200. Et Et la FIA donc, a été quand même interrogée après ça sur la course, après la course là-dessus, en disant qu'est-ce que vous pensez de cette image, est-ce que c'est normal? Et ils ont dit, ne vous en faites pas, on savait très bien qu'ils étaient là, mais de toute façon, ils n'étaient plus en piste, puisqu'ils n'étaient pas sur l'asphalte, le ruban d'asphalte. Alors c'est vrai que c'est mieux qu'à Mexico, puisque Mexico, ils étaient devant la voiture de Lawson. Alors il y a du progrès, mais on se retrouve quand même avec des commissaires qui étaient dans une zone de dégagement, sur un circuit qui était globalement très mauvais en termes de grip, et avec des pilotes qui n'étaient prévenus que par un drapeau jaune. Donc, encore une fois, la FIA a de la chance parce qu'il ne s'est rien passé. Merci les pilotes d'être bons, merci le fait que voilà, on a un peu de chance là-dessus. Mais moi, ce qui m'agace un peu, c'est que la FIA nous refait des couplets qui datent des années 2000, c'est-à-dire, en gros, de toute façon, vous n'en faites pas tant que ce n'est pas sur le ruban d'asphalte, il n'y a pas de danger. Sauf que c'était exactement le cas quand, dans les années 2000, on leur disait, là, il y avait une grue qui était en bord de piste, est-ce que c'est normal? Non, mais vous en faites pas, elle n'était pas sur la piste. Et les pilotes ralentissent. Ouais, ok, c'est bien. Mais à force, il y en a un qui s'est tué à cause de ça. Et là, on revient exactement sur la même pente glissante, c'est-à-dire que la sécurité, on y pense vaguement, mais c'est pas bien grave. Et de toute façon, voilà, ils n'étaient pas en piste, ils étaient dans une zone de dégagement. Alors quand même, il faut rappeler qu'ils étaient dans une zone de dégagement à l'extérieur d'un virage, c'est-à-dire que même des spectateurs de rallye, on leur dit de ne pas se mettre là, en fait. Quand on va voir un rallye, on vous dit, vous ne vous mettez jamais dans la trajectoire des voitures. Là, on met des becs, dans la des hommes et des femmes dans la trajectoire des voitures, qui sont vraiment, encore une fois, je ne sais pas, peut-être 10 mètres de la piste. Et la FIA trouve que c'est normal, dit, t'inquiète, ils n'étaient pas en piste. Donc nous, on savait qu'ils étaient là, mais on savait qu'ils ne seraient plus sur la piste, pas besoin d'une VSC. Ouais. Donc, moi, la question, c'est qu'attend la FIA pour revenir à des normes sécuritaires dignes d'un championnat du monde? Parce que là, aujourd'hui, qu'on voit ça, alors là, on a vu ça la dernière fois en NASCAR mexicain, là, il y a le safety car qui allait percuter une voiture qui s'était mis hors piste, mais au bout d'un moment, qu'attend la FIA? Est-ce qu'il va falloir un drame? Est-ce qu'il va falloir qu'un jour, il y a encore des gens qui meurent sur des circuits pour que la FIA reprenne, retourne en arrière et dise « Ah, effectivement, finalement, il y a peut-être un danger ». Il y a deux choses à rajouter, c'est qu'en F1 Academy, on a eu une grue hein, aussi. Aussi. Sur la piste, voilà, ouais, ça rappelle aussi le Japon 2022 où Gasly avait drapeau rouge, mais Gasly était passé rapidement alors qu'il y avait toujours une grue sur la piste au Japon. Voilà. Donc non, c'est de l'amateurisme scandaleux. Quoi. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qu'elle fait dire. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils assument à fond. Hein. Oui. Ah ouais. Effectivement, on a voulu mettre en danger tout le monde. En plus, le réalisateur, c'était cruel, hein, puisqu'il a fait l'angle de caméra pour voir vraiment tous les commissaires sur la piste en même temps. On déteste voir ces images, et c'est ce qui est arrivé, franchement, et pas d'explication. D'ailleurs, on attend toujours encore l'explication de Mexico. Voilà, la vraie explication, je n'ai toujours pas vu. Non. Voilà, c'est inadmissible, hein, effectivement. Et en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que la FIA zappe complètement le fait qu'il puisse y avoir une crevaison, une rupture de frein, une rupture de suspension, même une erreur d'un pilote, en fait, tout simplement, et que le drame est à portée de main, quoi, vraiment. Vas-y, Franck, je te laisse la parole. De l'huile aussi, de l'huile sur la piste. Bon, après, c'est quelque chose qui est comme plus rare sur en F1, mais ça peut arriver quand même. Hein. Bon, sur un départ, c'est quand même assez rare, il n'y a pas eu de moteur qui a cassé. Donc, bon, c'est vrai que le paramètre huile sur la piste est comme le truc le plus imprévisible qu'on pourrait avoir pour ce genre de pilote quand ça arrive à. Effectivement, tu me dis, ça arrive plutôt à 250 qu'au lieu de 300, on va dire. Donc, effectivement, là, à ces allures-là, la voiture est largement contrôlable, même avec des pneus froids, tout ça, il n'y a pas trop de soucis non plus. Non, effectivement, moi, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, la FIA commence à rejouer un peu plus avec le feu qu'avant. Alors, c'est un autre directeur de course. Je comprends la pression qu'on doit certainement leur mettre la FOM et tout ça, d'essayer de raccourcir un petit peu les délais d'intervention, qu'on a un petit peu marre de voir des safety cars de 4 tours ou 5 tours juste pour ramasser un morceau, pour enlever un aileron, ça je le conçois totalement. Maintenant, comme l'a dit Neil Swetich, qui était l'ancien directeur de course, qui a été congédié par Ben Sulayem, quand tu as besoin de faire ça, tu appuies juste sur le bouton VSC, ça se fait en une seconde chrono, tout le monde passe à 80 km/h. Tu envoies tes commissaires en piste. Si tu vois effectivement que ça va pas passer, qu'ils sont encore là, voilà, ils arrivent au bout de la ligne droite, ils sont encore là, bah t'appuies sur le bouton, basta. Tu laisses finir leur truc et t'enlèves la VSC au bout de 10 secondes, c'est tout. Et c'est vrai qu'ils ont cette facilité-là de pouvoir le faire sans trop. Ça pénalise vraiment pas la course pour le coup. Parce que les doubles drapeaux jaunes, certes, 99% des pilotes les voient et agissent en conséquence. Et effectivement, il n'y a pas de raison logique, mais je dis dans le mot logique, il y a effectivement le côté scientifique, mathématique de la chose, que quelque chose se passe mal. Mais le fait est qu'en course automobile, il y a toujours un imprévu. Mmh. Et il faut toujours parer aux imprévus. Et pour moi, effectivement, c'est pas concevable que des F1 passent hors VSC ou hors safety car à côté de commissaires qui sont en piste ou en bord de piste. Voilà. Donc bah, pour ça, moi, hein. c'est clair et net, c'est condamné et à condamner. Même si j'ai quand même senti, voilà, ce que je tenais à dire, c'est que je sens quand même qu'il y a une certaine pression de la part de peut-être pas des télévisions, mais quand je dis les télévisions, c'est vous les fans, vous les spectateurs, à ce que la FIA raccourcisse le plus possible effectivement les périodes d'interruption de course, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. On n'a pas tous envie de perdre 3 tours, 4 tours, 5 tours de course parce qu'il y a un élément qui traîne en piste et qu'il faut le temps de regrouper tout le monde derrière les voitures, puis ensuite que tout le monde repasse ensuite une fois, ensuite on envoie les commissaires, on ramasse le truc, les voitures repassent encore une fois, ensuite il faut que le temps que la safety car enlève ses lumières sur l'eau et ensuite ça repart. Donc c'est minimum 3-4 tours à chaque fois. Effectivement, c'est un peu lourdeau. Mais une VSC, d'accord. Mais une VSC, c'est la solution qui est vraiment top, parce quoi. Je veux dire, parce juste que ce genre de choses. Voilà. Ce débat-là existait déjà à l'époque où on a créé la VSC. Tout le monde disait oui, mais alors, parce que justement, l'accident de Bianchi a amené cette question, est-ce qu'on doit sortir la safety car au moindre problème ? La FIA a répondu par la création de la VSC. Alors, ouais, qu'ils ont créé la slow zone, où on ralentit une partie complète du circuit. En F1, on ralentit l'ensemble des voitures de 40%. Voilà, on met un delta à respecter, etc. Il y a donc ce truc-là qui est littéralement en un bouton, en un pressage de bouton par le directeur de course, c'est fait, enfin par le personne qui gère les statuts de la piste. Et donc l'excuse de on va perdre du temps, bah, elle est de côté. C'est-à-dire qu'en fait on l'a plus. On aurait que la safety car, je comprendrais même pas. Il y a rien qui justifie qu'on mette la sécurité au deuxième plan par rapport au spectacle. Jamais. Mais voilà, on peut dire oui, effectivement, safety car, c'est vrai que tout de suite, c'est toujours très bien. Non, attends, je précise mes propos parce que je vois des choses dans le chat. J'ai pas dit que je mettais la sécurité en deuxième plan. J'ai dit juste que la VSC, ça suffit pour ce genre de choses. Exactement. Pas obligé de sortir le safety car. Voilà, c'est tout. C'est juste pour. Effectivement, là, pour le coup, il y a effectivement le deux poids, deux mesures. On va pas sortir le safety car pour tout et n'importe quoi. Voilà. La VSC, c'est pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé justement pour gagner du temps. Et je suis désolé pour ceux qui sont dans le chat. Je dis pas que c'est de la faute des fans si c'est l'incompétence de la FIA derrière. Je dis juste que c'est le sport aujourd'hui qui veut que ce genre de moment soit raccourci. C'est un fait, voilà, parce que les gens, les fans ont évolué, la base de fans a évolué. On n'a pas envie de perdre 10 minutes à avoir une voiture de sécurité parce que les gens se disent il y a juste un débris sur la piste. Alors que nous, on sait tous, voilà, en tout cas les fans les plus aguerris, les plus au courant des règles, savent très bien qu'une VSC ferait parfaitement l'affaire. Voilà, je voulais juste clarifier mes propos. Ouais. Et puis la base, enfin les fans qui veulent que la course dure moins longtemps, le jour où ils verront quelqu'un mourir en direct, je pense qu'ils changeront un peu d'avis. Parce que nous, entre guillemets, nous anciens fans, on a vu des gens mourir en direct en course, c'est pas drôle. Et si on peut éviter ça, c'est bien. Et en plus de ça, parce que là, on parlait de la grue et tout ça, mais le jour où il y en a un qui va faire un strike chez les commissaires, les images, elles vont pas être, ça va pas être une voiture qui tape un véhicule, hein. Ça va être bien plus violent que ça. Et la seule fois en F1 où un commissaire a été percuté par une voiture, c'était vraiment pas terrible. Donc il faut que la FIA arrête il faut que Liberty arrête d'avoir son mot à dire là-dessus, c'est-à-dire que là c'est la FIA qui gère, et il faut que la FIA reprenne les standards de sécurité et les applique à la lettre. Et si jamais elle le fait pas, il faut que les gens prennent leurs responsabilités et soient écartés, parce que encore une fois, en 2022 à Suzuka, il y a la grue qui rentre en piste. Eduardo Freitas est viré sur le champ. Il est viré sur le champ en disant ça c'est inadmissible. Voilà. Alors Nils Wittich, il est gentil, mais lui aussi il a quelques petits squelettes dans son placard, parce que le jour où Ocon tape le mur à Miami, que sa voiture se casse en deux, donc le pédalier cassé, le bac à cassé, la cellule de sécurité fendue, Ocon dit j'ai des vertiges et tout ça, il faudrait peut-être mettre des pneus sur le mur parce que c'est quand même violent. Wittich a dit non, vous en faites pas, j'ai vérifié le circuit, il n'y a pas besoin d'un mur de pneus. Ça, le fait est que Sainz a eu exactement le même accident avec quasiment des conséquences similaires. Donc Les directeurs de course, globalement, depuis Charlie Whiting, font preuve d'une énorme, un énorme laxisme en termes de sécurité. On se rappelle que Michael Masi, bien connu pour Abu Dhabi 2021, est malheureusement aussi connu pour énormément d'incidents de commissaires qui étaient en piste devant les voitures, ou de grues qui sont rentrées en piste pendant que les voitures étaient, je me rappelle de la Turquie 2021, il fait rentrer une grue alors que les voitures n'ont même pas de drapeau jaune. C'est vraiment un truc, mais totalement lunaire. Donc... Il faut que la FIA revoie ça de toute urgence. Il faut que la FIA assume ses erreurs quand elle en fait, et il faut que la sécurité reste le sommet de ce sport. Parce que on est content, c'est vrai qu'on peut l'être. Les voitures sont très très sûres. À chaque fois qu'il y a un énorme accident, comme Bortoleto au Brésil, on dit incroyable ce que la sécurité a progressé. Et c'est vrai, les voitures aujourd'hui sont plus sûres que jamais. Elles nous permettent de regarder la Formule 1 en se disant, sur un accident normal à un moment donné, sans mauvaise circonstance, un pilote ne va pas se tuer. Et ça, c'est déjà énorme. Il ne va pas se blesser gravement. Ça, c'est déjà énorme. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que la sécurité, ça, c'est la sécurité active, celle des voitures, donc celle qui est conçu pour protéger les pilotes en toutes circonstances. Et il y a la sécurité passive qui est le reste, c'est-à-dire protéger les pilotes via les infrastructures de circuit, protéger les spectateurs via les infrastructures de protection, les grillages par exemple, le grillage qui est assez solide pour bloquer la sauveur de Guan Yu Zhou quand il décolle par-dessus les pneus et qu'elle ne finisse pas dans le public, ça c'est une sécurité passive, etc., etc. Et la sécurité passive, c'est aussi tout un tas de règles, de façons de gérer les incidents. Et aujourd'hui la FIA, là-dessus, pêche encore et toujours. Depuis la fin de l'ère Whiting et moi, le fait que Rui Marquez n'ait pas été viré sur le champ hier soir, pour moi, c'est un message de laxisme extrêmement dangereux. Voilà, tout simplement. Et en plus, le communiqué de presse est lunaire derrière, d'une mauvaise foi crasse. Et oui, disons-le, si un jour il y a un accident, la FIA aura du sang sur les mains, parce que c'est le genre de truc, on laisse se produire des choses qui ne devraient pas se produire et on n'essaie pas de les corriger en disant là, effectivement, c'est inadmissible, ça ne se reproduira plus. Voilà, moi je suis assez choqué par tout ça, et il fallait qu'on le dise parce que voilà, on ne pouvait pas laisser passer ça. Et globalement, énorme carton rouge pour la FIA sur sa performance d'ensemble entre l'inconstance des commissaires sur les décisions et cet incident majeur. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de carton rouge comme ça. Oui, c'est vrai. Mais là, en même temps, c'est tellement grave que il faut... Voilà, parce que souvent, on débat de sport et on met des cartons rouges sur le plan sportif et tout, et c'est vrai que ça nous énerve, mais là, il y a quand même... Il y a des vies humaines en jeu, c'est un peu plus problématique. D'accord. On va pouvoir continuer notre débriefing sur un ton un peu plus léger avec Ferrari. Alors, la quatrième place... Ils ne sont pas fait disqualifier, eux. Pas ce week-end. Si, en Chine. Pas ce week-end. Charles Leclerc termine 4e, Lewis Hamilton termine 8e. Alors une qualification compliquée pour Lewis Hamilton qui s'est qualifié 20e pour la première fois de sa carrière à la régulière, enfin dernier en tout cas. Et Charles Leclerc toujours bien solide hein, quand même malgré tout. C'est la pire qualif d'une Ferrari depuis Fisichella. À Abu Dhabi 2009. Ouais, qui était remplaçant de Massa à l'époque. Et puis, alors on viendra après sur la partie politique de Ferrari, puisqu'il y a eu des réactions au propos de John Elkann par les pilotes, mais d'abord le sportif. Ferrari était clairement la quatrième force du plateau ce week-end. C'est pas terrible, et ils prennent encore du retard au championnat constructeur sur Red Bull et Mercedes. Néanmoins, moi je salue quand même Charles Leclerc qui a déjà poussé un énorme coup de gueule samedi en disant que la voiture n'a jamais été bonne sous la pluie depuis qu'il est chez Ferrari. Parce que c'est aussi ça le souci, hein. Samedi la voiture était très mauvaise sous la pluie. Et qui nous fait encore une très belle course pour aller chercher le maximum. Franck, je te laisse commencer pour ce débrief de Ferrari. Oui, effectivement, sous la pluie c'est une catastrophe. Tu peux mettre n'importe quel pilote, je pense, au volant. Et pourtant, Hamilton, tu sais que sous la pluie, il est quand même plutôt bon aussi. Et il arrive à se faire éliminer quand même dès la Q1, dernier temps. Première fois, comme tu dis, qu'il se fait éliminer sur la performance pure en 378, je crois, Grand Prix. Si les comptes sont bons pour moi. Pas vraiment de performance pure. Hein. Q dernier, c'est quand même assez dingue. En plus, sur des conditions qui... Pour le coup, on se dit, ouais, c'est super, il y a de la pluie, ça va un petit peu rebattre les cartes, ça va un petit peu favoriser les bons pilotes et nuancer un peu les niveaux des voitures, mais même pas. Hein. C'est déjà la Ferrari, elle préfère quand c'est chaud. La Zegas fait plutôt froid, même si on a vu que sur des conditions sèches, ça pouvait quand même bien jouer, parce que la Ferrari était quand même plutôt performante l'an dernier, ce qui n'est pas vraiment le cas cette année. Ouais, c'était compliqué, je pense, ce week-end-là, même si Hamilton, pour commencer par lui, je n'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur Lewis, comme malheureusement, ça se fait de plus en plus, là, un petit peu. Si c'est pas les fans, c'est divers consultants, commentateurs et anciens pilotes qui s'en chargent. C'est vrai que c'est une fin de saison qui s'annonce quand même vraiment très très compliquée pour lui. Première saison peut-être de sa carrière sans aucun podium. Et peut-être de deuxième, je crois, du coup, saison sans victoire du tout. Donc, bon, après, non, la saison n'est pas finie, mais. Non, c'est sa première saison sans victoire. Ah non, 2023, pardon. Ouais, oui, c'est ça. 22-23. Donc, c'est compliqué. Donc, bon, voilà, les pneus, ils n'arrivaient pas du tout à les chauffer. Ils se retrouvent quand même hyper loin. Hein. Il n'est même pas éliminé en Q1 de quelques. 20e de quelques millièmes ou dixièmes, il se prend comme une rousse, pas même par l'avant-dernier, donc ça n'allait vraiment pas du tout. Là où, effectivement, on peut se dire quand même, il y a Leclerc, il a quand même réussi à passer jusqu'en Q3. Bon, là, effectivement, en termes de comparaison directe entre les deux, ça fait mal, quoi. Donc là, c'est pas grand-chose de plus à dire que ça là, sur Hamilton. Si ce n'est voilà, qu'il a encore fait, effectivement, il a encore désingué, j'ai bien dit désingué sa saison et pas désingué Ferrari. C'est pour ceux qui ont lu l'article sur le site, où il s'est dit ouais, effectivement qu'il a un petit peu marre de cette saison, qu'il a même plus envie d'être à la prochaine. Quand on lui demande la prochaine quoi, la prochaine course, il dit non, la prochaine saison. Du coup, on lui a vite demandé, vous êtes en train de nous dire que vous êtes en train de partir là? Et non, bon, il a coupé court avant de lancer effectivement une grosse rumeur sur le fait qu'il lâchait le navire en plein naufrage. Hein, voilà, mais bon, après, il a été très court, n'empêche, hein, parce que comme John Elkann leur a demandé, il fallait qu'il parle moins et qu'il pilote mieux. Je trouve que Hamilton, pour le coup, dans ses interviews de ce week-end, 3-4 phrases à chaque fois, c'est non, j'en reparlais moins. C'était parfait. Voilà, bon, plus de cœur. Dire, bon, ouais. Et en course, il n'a pas pu dépasser Hülkenberg, et je crois qu'il a fait une erreur, une sortie de piste. Ocon aussi, il a buté sur Ocon, il a beaucoup buté sur Ocon, effectivement aussi. Tandis que Leclerc a bien failli doubler. Piastri, non, c'est triste. Ah, Leclerc est à fond, lui. Hein. La différence des deux en course était vraiment énorme en termes de. Ouais. En termes de perception, de sensation et de motivation perçue. Ouais, Leclerc a dit j'attaque comme un animal, et c'est vrai qu'il a fait un début de course fou. Et Hamilton l'a dit lui-même, hein, il a dit j'ai gagné énormément de place au départ parce qu'il est 12e au premier tour, mais après j'ai pas gagné grand-chose. Quoi. Et c'est vrai qu'une fois 12e, il a repris deux places de plus jusqu'au drapeau d'Amiens. Oui, il s'est percuté par Albon d'ailleurs. Bon, heureusement, il a rien, il n'a pas de crevaison, il n'a rien dans ce coup-là. Mais c'était l'inverse de ce qui passait au Brésil avec Colapinto d'ailleurs. C'est un petit peu marrant. Mais c'est vrai qu'encore une fois, les Ferrari se sont fait un peu violenter parce que du coup, ouais. Leclerc touche Alonso. Là, c'est pareil, contacte Alonso, évite un truc devant lui et va un peu vers la droite. Leclerc pense qu'il a largement passé Alonso, va vers la gauche et deux se touchent. Mais les Ferrari, là, au départ, en ce moment, c'est compliqué. On voit aussi. Le problème de moins bien se qualifier, c'est-à-dire quand tu te qualifies dans le peloton, bah, t'es plus sujet à des accrochages, hein, clairement. Là, ça fait quand même 4 touchettes pour les Ferrari, plus ou moins graves en 4 départs, enfin en 2 courses, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Effectivement, donc, bon, c'est... Après, bah, Hamilton, là-dessus, je saluerais tout le temps son honnêteté de cette saison, où il a dit, voilà, il a dit, ça va pas, et je vais pas me cacher, il se cache derrière rien, en fait. Et il a dit, il cherche même pas à enjoliver le truc en disant non, mais là, voilà, c'est ce coup-ci ça va aller, il nous fait pas une Tsunoda, un peu comme on en parlait tout à l'heure. Là, c'est vraiment, il nous dit bah, clairement. C'est la sœur qui fait le SAV. C'est vrai. Parce que là, il dit, ça fait 22 courses que ça va pas, je m'attends pas à ce que ça aille mieux dans les deux dernières, en fait. Et il a raison. Factuellement, il n'y a rien qui dit que bah, par miracle, ça va se remettre à fonctionner dans les deux dernières courses. Et puis donc, une très très très belle séance de langue de bois jeudi, enfin mercredi à Las Vegas, quand les journalistes ont demandé aux deux pilotes Ferrari ce qu'ils pensaient des propos de John Elkann. Alors il y a eu un média training, je pense, avant, on sent qu'Hamilton est un peu plus rompu à l'exercice que Leclerc, qui est un petit peu bafouillé et que c'est un petit peu répété. Je salue, j'ai toujours pas réussi à savoir qui c'est, mais je salue la journaliste qui a posé des questions ultra cash aux deux pilotes. qui était très très bien parce qu'elle les a un peu mis en difficulté et on a vu que Leclerc a bafouillé et puis a ressorti la même réponse qu'à la question d'avant. Mais c'était bien de tenter de ça. Après, effectivement, eux pour eux, hein, John Elkann est passionné, c'est pour ça qu'il a dit ça, mais il voulait pas dire des choses méchantes. Et puis de toute façon, j'ai une très bonne relation avec John, on est au téléphone toutes les semaines, donc il n'y a pas de souci, voilà. Et la journaliste a très justement dit à Leclerc, mais si vous l'avez au téléphone et que vous avez une si bonne relation, pourquoi il vous a dit ça en public et pas en privé ? Et voilà, donc... Et moi, dommage que les pilotes valident ça, mais cacher des propos aussi abjects derrière la passion, alors que c'est tout l'inverse, c'est précisément tout l'inverse, c'est un discours de PDG bas de gamme. Je trouve que c'est vraiment dommage de... Non, moi, j'en veux pas aux pilotes d'avoir répondu. Non, mais je comprends qu'ils le fassent. C'est juste dommage qu'ils doivent le faire. C'est juste dommage que ce soit à eux de faire le SAV de John Elkann, en fait. C'est ça qui m'agace. Après, j'en veux pas... Non, et, oui, et bien sûr, ils sont partis d'une machine. Sortie médiatique d'Elkann qui n'avait strictement pas lieu d'être. C'est ça. Voilà. Que tout le monde a jugé, d'ailleurs, ni nécessaire ni pertinente. Alors, James Smith nous demande pourquoi ils se sont tenus. Quel risque avaient-ils ? Alors, ils n'ont pas vraiment des risques, mais le problème, c'est que Ferrari n'a pas besoin... d'autant de vagues, tu vois. Je pense que les propos de John Elkann ont déjà fait du mal aux gens. Faut pas oublier que derrière, il y a 1200 personnes qui bossent pour cette équipe, même plus avec le moteur. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais, je pense que déjà, même avec les critiques qui actuellement, qui sont quand même des critiques honnêtes, on va dire, oui. Tu sors ça en 1990, ils sont déjà virés tous les deux depuis un bout de temps. Hein. Ouais, c'est clair. Que l'histoire c'est du camion d'Alain Prost, côté, c'était 91, pardon. Ouais. C'était pas. C'était. Voilà. Donc ça reste quand même assez honnête, mais. Tu peux pas non plus effectivement critiquer directement ton président, quoi. Ça se fait pas. Tout Hamilton et tout Leclerc qu'ils sont, et toute l'aura mondiale qu'ils ont, et tout le soutien qu'ils ont, et tout ça, ils ont quand même des supérieurs, ces gens-là aussi. Ouais. Tu leur dois un respect. Et puis il passerait pour les gentils, mais en fait le problème c'est que derrière ça recréerait une vague de questions, oui. De commentaires, oui. La presse se déchaînerait et tout, et à la fin c'est les employés aussi qui eux derrière, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur une fin de saison qui est usante, les gens sont cramés, ça tout le monde l'a dit, les gens qui bossent, les hommes et les femmes qui bossent pour Ferrari n'ont pas besoin d'être au centre de ce genre de choses. Voilà, je pense que... Guéguerre qui apporte rien. Et en fait, en gros, ils choisissent la voie de la sagesse et de la maturité, là où Elkann a juste agi sans réfléchir et a dit n'importe quoi. Donc, bravo à eux. Et puis bah, après, voilà, c'est bien d'apaiser. De toute façon, ça ne servirait à rien, je pense, en termes d'opinion publique, d'aller à l'encontre de Elkann, quoi. Ah, mais j'ai reçu un SMS de John, il annule la campagne Ferrari sur le site pour la semaine prochaine. Merci. Non mais alors, je veux juste dire que moi je m'entends bien avec John. Il faut lancer au téléphone aussi, toutes les semaines. On parle toutes les semaines aussi. C'est un passionné, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un passionné. Moi je pense que je comprends ce qu'il a voulu dire. Souvenez notre soirée raclette qu'on a fait avec lui la semaine dernière. Je comprends ce qu'il a voulu dire. Après voilà, il a dit avec la passion et puis tous les enjeux forcément ça pèse, mais. Voilà, alors qu'avec Christian, tu vois, ça se passe beaucoup mieux. Avec Christian, Mais ça, c'est surtout parce qu'on est des hommes. Oh non! Oh là là! Je sais pas ce que t'as mangé aujourd'hui, mais. Ah ouais, Manu, je sais pas. Je pense que si tu continues, tu vas te faire doublement disqualifié. Hein. Mais non, mais c'est la passion, tu comprends, ah, ça fait que j'ai moins de filtres. Apparemment, c'est une excuse valable. Je pense que c'est Alcal qui va dire Manu, ce serait bien que tu parlais moins. C'est possible. Bah après le Racing Café, on fait le Racing Raclette. Hein. voilà, en tout cas, pour Ferrari, la fin de saison est un peu à l'image du reste de la saison. Hein, globalement, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, c'était pas non plus la mauvaise surprise, on va dire, que de les voir quatrième force du plateau à Las Vegas. C'est-à-dire que voilà, Red Bull va faire troisième à un pilote et Ferrari quatrième à deux. Quoi. Ouais, c'est ça. Et McLaren leur offre une disqualification pour qu'ils prennent un peu plus de points. Ouais. Après ça suffit pas. Oui, parce que c'est vrai que sans ça, bah après tout le monde a marqué plus de points, mais. Par rapport à Red Bull et Mercedes. En tout cas, par rapport à Red Bull. Ils auront 10% de temps aéro supplémentaire. Ouais. Ce qui est pas mal, parce que ce sera sur les 6 premiers mois de l'année 2026. C'est quand même. C'est important. Pas mal, ouais. Ouais, ouais, c'est pas un calcul. Enfin, c'est pas un calcul, mais c'est pas un mauvais calcul quand même. Il faut, il faut bien l'utiliser, quoi. Il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité. C'est ça. Ils peuvent tomber 5e. Non, ils peuvent pas. Non. Il faudrait des disqualifications rétroactives, donc on n'en est pas encore là. Ah oui, ce qui était déclassé du championnat, du coup, t'as plein de temps héros. Ah, bonne question. Très bonne question. Je sais pas ce qui se passe dans ces cas-là. Très bonne question. Très bonne question. Sûrement une ligne dans le règlement qui en parle. Au pire, on mettra des directives. La question à Mohamed. Attends, je vais appeler Mohamed, je vais lui demander. Ils vont faire all-in sur le budget plafonné, l'éclater, comme ça, ils sont disqualifiés. Ah, bah attends, on a raclette avec Mohamed la semaine prochaine. Ah, bah parfait. Voilà, très bien. On posera la question. Et lui aussi, c'est un passionné. Lui, c'est un passionné. Lui, il est souvent bien passionné. voilà pour Ferrari, on va passer à Williams. Alors Williams, 5e place de Carlos Sainz, 7e sous le drapeau d'Ami avant la disqualification des McLaren. Abandon d'Alex Albon qui a une nouvelle fois souffert la comparaison avec son équipier. C'est un peu la tendance en cette fin de saison. Il est temps que ça se termine magnifique. Pour Albon. Sainz, magnifique. Irréprochable. Un peu passé sous le radar, mais il fait 3e en Q3. Il est au bord de... Enfin, et voilà, il fait une course vraiment meilleure des autres. De très très loin, donc superbe course de Sainz qui a totalement éclaté Albon effectivement, et qui fait une deuxième saison, deuxième moitié de saison du tonnerre. Donc franchement, bon oui, c'était pas son podium bien sûr à la régulière, mais c'était vraiment c'était le Williams on a envie de voir, et qui prend forme. Donc franchement, ouais. Et c'est Williams qui fait quand même des grosses performances malgré un développement arrêté au printemps. Ça, c'est vraiment fou. Moi, je ne pensais pas qu'ils auraient des coups d'éclat comme ça sur la fin de saison. Williams, non, c'est Sainz. Oui, non, je veux dire, encore une fois, la Williams valait ça. Après ça, on va revenir sur Albon. Sainz, pour moi, fait son deuxième meilleur week-end de la saison après Bakou. Oui, voilà. Très clair. Ouais. Et la dynamique actuelle laisse penser qu'en 2026, ce sera très serré entre les deux, voire à l'avantage de Sainz, parce que là où Albon l'a totalement surclassé en début de saison, la version Franck, elle a été impressionnante et elle est maintenant totale. Ah oui, là pour le coup, voilà, l'ascendant il est pris là. Je pense qu'il n'y a plus trop de discussion possible. Alors moi, je vais juger Albon que par rapport à ses qualifs. Effectivement, il fait 16e là où Sainz se fait 3e. Je vais pas juger sur sa course parce que le pauvre a perdu sa radio dès le départ, donc il n'avait pas de radio, donc il pouvait strictement rien faire. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dû s'arrêter deux fois pour son aileron. Première fois, ils arrivent quand même, ils voient pas que son aileron est pété, donc il voulait se réarrêter une deuxième fois. Et puis après, c'était trop dangereux, ils disaient, il y a trop de débris, trop de choses, voilà, sur un circuit aussi dangereux comme Las Vegas, ils ont préféré arrêter. On a fait l'article cet après-midi sur le site. Explique un petit peu le mode de survie de sa course. Donc, je ne vais pas juger la course d'Albon par rapport à ce qui lui est arrivé. Hein. C'était un peu compliqué. Ce qui d'ailleurs lui a coûté une petite infraction à la procédure au départ aussi, parce qu'il n'y a pas de radio non plus. Donc voilà, c'était compliqué. Mais voilà, si je juge que la partie où on peut le juger, effectivement, il se fait éclater par Sainz en qualification. Et pas que Las Vegas, hein, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, voilà. une tendance qui se dessine assez nettement. Et je te trouve gentil d'ailleurs, Manu, en disant que ça sera serré entre les deux en 2026. J'ai presque envie de dire que si, voilà, c'est toujours pareil, ces monoplaces 2026 vont être tellement différentes à piloter, mais si ça pose pas de difficultés particulières à un pilote, je pense qu'on va vite voir Sainz prendre l'avantage de manière plus marquée que ça. C'est possible. Ouais. Ce qui pourra nourrir encore quelques regrets à Red Bull qui n'a pas fait appel à lui pour piloter cette année. Ou à Ferrari. Pardon. Bah, oui. Non, mais c'est vrai que Sainz faisait quand même pas du mauvais travail face à Leclerc. Et même si. Non, c'est sûr, mais vous avez Hamilton, je suis désolé, vous prenez Hamilton. Tout Sainz qu'il est, vous pouvez avoir Hamilton, Ferrari, prenez Hamilton. Ça se discute même pas. Okay. D'ailleurs, il a même pas dit. D'ailleurs, même Sainz l'a dit. Même lui, il l'a compris. Il a dit. Oui, il l'a compris, mais c'est vrai que quand tu mets ensuite Oui, maintenant, après ce qui s'est passé après, oui, effectivement. Quand tu mets en perspective, c'est sûr que c'est douloureux. Hein. Je pensais vraiment plutôt à Red Bull, parce que lui, il allait frapper à la porte de Red Bull. Quand tu vois ce qu'ils ont mis derrière, oui, voilà. c'était en heure. Face maintenant, je pense qu'il y a quand même qui est-ce qui peut décider. Après, Verstappen, il y a aussi la rumeur d'un veto de Verstappen pour Sainz. Hein, donc. Ouais, mais Verstappen, c'est d'abord un passionné. Ouais. On s'entend très bien avec Sainz. Mais voilà, bon, voilà. Bon, bah, on s'est au téléphone toutes les semaines. Bravo, effectivement, à Williams de réussir à performer encore comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'opérationnel sur la voiture, en tout cas, ça reste très très bon. Ça, au final, ça met, ouais. Ça met les bases, effectivement, en termes de. On peut se dire qu'en termes d'ingénierie, voilà, parce que là, c'est la partie ingénierie piste de Williams, elle est bien bien déjà grâce à James Walsh, donc de ce côté là voilà, on sait exploiter une bagnole. Ouais, puis là, c'est vraiment clairement la cinquième force du peloton sur toute la saison. En fait, c'est ça qui est bien du coup. C'est que là, ils ont mérité. Le fait. Sur toutes les courtes, mais sur toute la saison. Ouais, c'est ça. Il y a eu des moments de moins bien avec effectivement une voiture qui était un peu moins nettement devant le peloton. Faut pas oublier qu'en début de saison, quand on est à Miami et tout ça, la Williams est plus proche du top 4 que du reste du peloton. Hein. Il joue Albon quasiment. En début de saison. Ouais, début de saison, Albon. Hein, Albon, il a encore 20-25 points d'écart, je crois, d'avance sur Sainz, parce qu'il fait un début de saison incroyable. Mmh. Hein, complètement. Il fait ouais c'est ça et il joue enfin il y a quand même je crois que c'est Miami où il est déçu de terminer cinquième quoi je veux dire c'est on se rend pas compte encore une fois c'est une équipe qui jouait qui trustait le fond de grille il y a 2 ans donc là-dessus c'est incroyable et bravo à eux on en fera le bilan plus tard mais bravo à eux en tout cas pour ça ils vont finir large cinquième enfin à moins qu'il y ait des doubles podiums du côté de Racing Bulls mais ils vont finir large ouais. Mais là, maintenant qu'il y a plus de, enfin, avec plus aucune course imprévisible devant restante, je pense que. Ah bah alors, moi je réponds plus de rien. Hein. Bah oui, la neige au Qatar, c'est. La neige au Qatar, ouais, effectivement. course à 5 arrêts. Ah bah c'est des passionnés là aussi. Hein. Ouais. Ils vont sortir le canot à neige. Et quoi? Ils vont sortir des canons à neige. Non, c'est ça. Ouais, non, bravo en tout cas. Et justement, Racing Bulls, on va parler de l'équipe. Puisque... J'ai encore eu la neige au téléphone. Isaac Hadjar termine 6e, Liam Lawson termine 14e. Donc ils étaient 8e et 16e sous le drapeau à damier. Après une qualification très très réussie pour l'équipe, Lawson s'est qualifié 6e, Hadjar s'est qualifié 8e. On l'a dit tout à l'heure, Lawson est allé percuter Piastri au départ et lui a dû repasser par les stands, ça a un peu ruiné sa course. Là où Hadjar a fait une course très propre hein, globalement pour arracher encore un très bon résultat. Et bah, là aussi c'est pareil, de commencer tout doucement à sécuriser la 6ème place pour Racing Bulls qui commence à avoir pas mal d'avance sur les équipes derrière elle. Décevant de voir une erreur de Lawson, mais globalement un très bon week-end des deux pilotes de l'équipe, Alex. Ouais, même Hadjar, il était presque déçu, je crois, de sa Q3, alors qu'il fait quand même une très bonne Q3, parce qu'il y a un petit problème, évidemment aussi avec Piastri, qui lui pourrit un peu la Q3, mais sinon c'était très très solide sa course, quoi. Il fait un très bon départ, et puis il tient tête à Piastri, il tient tête à Leclerc. Voilà, le grint de cette Racing Bull qui elle aussi hein, finit très très fort l'année. Très très fort l'année, ça va être la 6ème force. Le 6ème au classement assez facilement. Donc, très bon week-end ensemble d'Hadjar. Il était vraiment dégoûté, hein, les qualifs. Ouais. Alors qu'il fait 8ème, hein, pareil, il est dégoûté. Enfin, 8ème, là, il fait 6ème avec les disqualifications. Donc, on se rapproche de saison de rookie, top 10 au classement pilote. Hein, que demander de plus au final. Ça reste bon, même si évidemment les écarts sont très serrés jusqu'à Sainz, je crois il y a 51 points, Kemper 49, Sainz 48, voilà, c'est hyper solide du côté d'Hadjar, et puis c'était propre, hein. On peut en dire autant de notre côté, c'est pas la première fois, on a vu du Lawson en cette deuxième moitié de saison, c'est-à-dire un Lawson qui est rapide, qui fait 6ème en qualif, et puis l'exécution n'est pas terrible, parce qu'il fait, c'est sa faute, hein. C'est bon, alors il y a peut-être Russell, je crois qu'il dérange un petit peu, mais bon, il foire son premier tour et à partir de là, c'est terminé, quoi, quasiment. Donc c'est dommage, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça de Lawson. Donc c'est aussi une course un peu à l'image de sa saison, mais effectivement, vu ce qu'on voit de Tsunoda et vu ce qu'on voit de chez Lawson qui reste quand même assez rapide, ça plaide pour un Lawson in bad plutôt l'an prochain. Hadjar étant lui parti de Racing Bulls pour aller là où on sait. Mm. J'ai Ferrari. Évidemment, chez Red Bull avec Max Verstappen. Sobret et Liquet demande, ça devrait pas le coup de tester Hadjar chez Red Bull sur le dernier Grand Prix vu le niveau de Tsunoda. C'est un peu le piège. Ouais. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de truc. Mais... Vous essayez de post-saison, moi, je dirais. Ouais. Et cette post-saison, ça a du sens. Dans un week-end de Grand Prix, c'est tellement compliqué de changer d'équipe. Là, en plus, au cours d'un triplé de course. L'essai de post-saison, on a appris aujourd'hui que ça sera sur les mulets. Que ça se passera les mulets qui ont servi au développement de Pirelli. Ouais. Donc, avec les nouveaux pneus. Donc, autant vous dire que les titulaires vont rouler dessus. Donc je pense que Verstappen ne va pas se prier. Et la voiture de 2025 sera réservée aux jeunes pilotes. Parce que en fait, c'est sur une seule journée cette année. Donc non, bah, Jarre n'ira pas tester la Red Bull. Et puis de toute façon, je vois pas du tout l'intérêt d'aller le mettre chez Red Bull. Clairement, pour une course avec une voiture qu'il connaît pas du tout, qui en plus une voiture qui va complètement changer l'an prochain. Ouais, non. Aucun intérêt, il vaut mieux apprendre les personnes directement, tranquillement pendant l'hiver. Déjà que ça va être assez serré. Et puis de toute façon, on rappelle qu'il y a beaucoup plus de jours d'essai de hivernaux que l'an dernier, enfin que les années précédentes, puisqu'on a 5 jours dédiés à Barcelone, mais ils peuvent rouler que 3 jours. Après, ça n'empêche pas que les deux autres journées passées dans le garage, ça peut être sans rouler, mais ça peut toujours être en train de discuter avec les ingénieurs et tout ça. Donc c'est comme 5 jours à Barcelone, plus ensuite, ça va être 2 fois 3 jours ensuite. Donc ça fait quand même pas mal de temps pour s'habituer à une équipe de course. Donc je vois vraiment pas pourquoi on irait débarquer à Jarre comme ça chez Red Bull. Ouais, pareil. Avant l'heure. Je précise. Ouais, non, franchement. Il faut pas le dégager au bout de course l'an prochain, s'il vous plaît. Quoi. Ah bah ça. Non, voilà, pour le coup, personne ne comprendrait. Quoi. Mais c'est là, pas. Depuis qu'il y a Méquies, je pense que ça n'arrivera plus ce genre de choses. Je pense que Laurent Méquies ne laissera pas ce genre de choses arriver. Méquies et Minsaf d'ailleurs, parce que ouais. Marco, il a quand même baissé un peu en termes de pouvoir. Hein. Donc, clairement, c'est plus le monsieur qui décide de tout. Et heureusement, c'était quand même un peu. Ouais, parce que des fois, il avait un œil mal avisé. Donc. Oh. Mais bon, c'est un passionné aussi. Hein. Ah bah lui, c'est un passionné. 82 balais, il est encore là. Donc, lui, c'est un passionné. On peut pas dire le contraire. Lui, il a pas mal fait de déclarations passionnées, effectivement. Et c'est quand son raclette à lui. C'est pas sûr. Oui, c'est tout le temps. C'est en Autriche. C'est tous les jours. Parce que faut pas se tromper, inviter Horner en même temps. Hein, si... Non. Non, non, Horner. C'est pas ce genre de retrouvailles de la cour, Horner, vise. Non, exactement. Quel teasing sur Aston Martin, hein, faut rester. Ouais, rester, il y a des. C'est Aston Martin, parce qu'on va moins débriefer, on va moins parler de leur course que ce qui se passe en coulisses. Exactement. Pour la raclette. On va d'abord parler. Enfin, on va pas non plus survendre. Hein. On fait du watch time, mais bon, ne vous attendez pas non plus à un séisme. On va passer à parler d'abord de Sauber avec la 7e place de Nico Hülkenberg, 9e. C'était bien. C'était bien. Oui, c'était bien. Bortoletto qui malheureusement ne voit pas la fin du premier tour. C'était pas bien. On ne voit pas la fin du premier tour pour la deuxième course consécutive. Très belle livrée avec le drapeau ennemi, je trouve. Ouais, voilà. C'était joli. Mais très, très belle cette voiture. Oui. Non, avec le drapeau ennemi, c'était mieux. Ouais, mais... Faut pas l'an dernier, ils avaient des flammes à Las Vegas. Ouais. Là, je trouve que ça allait bien, les drapeaux ennemi. Ça aurait eu un peu plus de sens à Abu Dhabi, je trouve, pour marquer genre la fin de Sauber, tu vois. Mais bon. Je chipote, hein, c'est pas non plus. Course un peu anonyme de Hülkenberg quand même. Ouais, enfin, il était dans un. Voilà, il était un peu dans un no man's land. Pour ça, quoi. Ouais, mais tout le monde, bon, solide. Hein, solide. Ouais, 11e en qualif. Ouais, 11e, non, c'est. Mais il inverse la tendance. Hein. Oui. Il inverse la tendance face à Bortoletto qui semblait avoir pris le dessus. Et là, ben, peut-être l'expérience, l'usure mentale, le physique peut-être, compte plus en cette fin de saison. C'est lui qui est le pilote, l'homme fort de chez Sauber. Et c'est pas inutile, hein, puisqu'ils reviennent à 4 points d'Aston Martin, à 5 points de Haas pour la 7e place. Donc voilà, il va y avoir un match, certes pour le titre pilote, mais pour ceux qui s'intéressent à la 7e place au classement des constructeurs, ça va être aussi très serré. Et cette place, on le sait, elle vaut des millions. Et oui, c'est ça aussi, c'est une affaire de sous. Il y a le développement dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des sous en plus, forcément. Mais, un peu moins soucis depuis qu'ils ont été rachetés par Audi, mais bon. Oui. On crache pas sur 10 ou 20 millions en plus. C'est ça. Exactement. C'est vrai que. J'avoue que moi, je cracherais pas dessus, mais bon. on cracherait sûrement moins dessus que Audi, par exemple, qui est bon, on se doit dire, ça va, quoi. Surtout Manier avec tous ses Ferrari. Même avec ça, je suis sûr que j'aurai encore des dettes de jeu, alors. je vais lui acheter 10 millions de planches en bois, moi, tu vois. Ah là là. Non, mais bon. Plus sérieusement, non, c'est vrai que oui, Sauber, c'est pas, ils sont pas à 10-20 millions près, mais je pense aussi que, bah, en fait, on se rend pas compte, mais pour motiver les gens dans les équipes, réussir à battre les adversaires et gagner une ou deux places en fin de saison, c'est toujours quand même utile. Ça donne un côté, à ces moments de grande fatigue, un peu de sens à tout ça. Et je pense que c'est bien. Après, Bortoleto, je pense qu'il va falloir qu'il ressorte un peu. Là, à mon avis, il y a quand même. Alors, bon, il a essayé pas grand chose. Hein. Il freine un peu trop tard parce qu'il se décale au dernier moment derrière une voiture. Il a dit lui-même, je freine 4-5 mètres trop tard. Donc, c'est pas la grosse erreur de la panne de cerveau ou quoi. Mais c'est vrai que il va peut-être falloir qu'il oublie un peu les déceptions du Brésil et qu'il, voilà, que ça passe à autre chose. Après, l'avantage, c'est qu'il y a l'intersaison pour souffler dans pas longtemps. Et globalement, ça n'entachera pas sa très très bonne de première saison en Formule 1. Ouais, je pense que là, c'est la fatigue. Hein. La fatigue pour Bortoleto, ça fait deux fois qu'il fait n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc, même si au Brésil, sous la pluie, avec le DRS qui s'ouvre un peu, c'est un peu plus excusable. Là, Brésil, il le dit, ouais, qu'il tente un truc, mais que ça passe pas. C'est vrai que là, il a juste fait une erreur. Ouais. Ah, et pour les gens qui ont vu Stroll dans un incident du premier tour. Eh bien non, c'était pas sa faute. Ouais, c'était pas sa faute. Et il s'en sort bien, hein. 5 places de pénalité sur la grille de Qatar pour Bortoleto. Il s'en sort bien, c'est peut-être parce que c'est le premier tour, mais c'est pas cher payé. Hein, bah c'est 10 secondes, hein. Il y a rarement plus quand même pour des incidents pareils. Hein. Moi je pense qu'il s'en sort pas si bien justement, parce que c'est rare qu'on ait des pénalités de 10 secondes au premier tour, hein, quoi qu'il arrive. Donc, On doit faire partir d'Abu Dhabi au Qatar, tu vois. C'est ça. À partir du centre-ville de Doha. Avec de une traversée du désert derrière. Bah, il risque de croiser Stroll. Je cherchais une blague à faire, c'était celle-là qu'il fallait faire. Bien joué. Après, ça serait plus pratique s'il y avait le Grand Prix de Bahreïn, parce que c'est vraiment à côté du Qatar. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas. Sauber, ça reste quand même, encore une fois, par rapport à ce qu'ils étaient en début de saison, où vraiment ça partait très mal, ils ont fait une saison où ils sont bien battus dans le peloton. Et bon, bah, l'an prochain, ce sera une autre dimension. Hein. Forcément, ça deviendra un constructeur d'usine. Mais je suis toujours assez surpris de les voir, ouais, bien dans le peloton. Et, la Traston, certainement. Hein. C'est possible. Hein. La dynamique actuelle nous laisse penser que c'est possible. Et puis Hülkenberg, qui nous avait fait un bon gros coup de mou après son podium, et le voir revenir aux affaires aussi, c'est toujours rassurant. On va parler de Haas. 9e place d'Esteban Ocon, 10e place d'Oliver Berman. Alors, bah, eux, ils ont été les grands gagnants de la. Enfin, en partie les grands gagnants de la disqualification des McLaren, puisqu'ils marquaient 0 points sous le drapeau d'Amier. Et finalement, les deux terminent dans le top 10, 3 points de plus. Alors, ça ne change pas énormément la donne au classement des constructeurs, mais dans un week-end où ils avaient l'impression d'avoir un peu tout raté à cause de problèmes, notamment de freins, ils étaient très déçus de leur qualification. On dit, voilà, c'était la seule équipe qui n'avait pas réussi à faire vraiment de. Enfin, pas d'exploit, mais de bonnes performances, on va dire. Ils étaient tous les deux éliminés en Q2, ils étaient un peu frustrés. Voilà, ça permet d'arracher les points. Un week-end rassurant pour Ocon aussi, qui malgré les problèmes de frein justement, se remet devant Berman. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et voilà, bon, globalement, c'est après, il n'y a pas énormément à dire là-dessus, mais ça fait quand même un week-end globalement positif en termes de résultats, en tout cas, Franck. Oui, bon, j'étais un peu plus au niveau attendu que ce qu'ils ont montré lors des... Alors, parce que Ocon a monté ces derniers temps, parce que... Berman était quand même plutôt au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'en termes de prestations globales, on va dire que c'était un peu meilleur ce week-end. Hein. Donc, retour sur leur terre aux États-Unis. Donc, c'est quand même sympathique pour eux de rentrer dans les points, même si sur tapis vert. Ça, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal en termes d'image. Mais voilà, mais effectivement, je note le point particulier effectivement des freins qu'Esteban Ocon a dit. Voilà, ça fait quand même. De très très très très nombreuses courses que ça les perturbe, en tout cas ça le perturbe lui plus que Berman apparemment. Et voilà, le fait de se remettre un peu devant son équipier sur ce circuit où justement pour le coup les freinages sont quand même hyper importants, même si ça reste encore moyen d'après lui, c'est quand même un peu plus rassurant. Bon, c'est vrai que la tendance ces derniers temps n'était vraiment pas du tout à l'avantage d'Esteban, hein. On l'avait dit, on craignait un petit peu. Alors maintenant, attention, hein, c'était que Las Vegas. Hein, si Berman nous continue à nous remettre une rouste à Esteban au Qatar et à Abu Dhabi, on pourra quand même en reparler autrement de nouveau. Donc j'espère que c'est vraiment un retour dans le de bâton, pas de bâton, mais de tendance dans le bon sens, quoi. Je pense quand même que Ocon vaut mieux que ce qu'il avait montré ces derniers week-ends. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le terme de confort et de confiance. Et c'est encore le cas, hein, comme il a dit. Donc voilà, je pense qu'il y a mieux à faire de son côté. Mais dans un week-end où tout ira bien, je ne vois pas prendre les roustes à la régulière qu'il prenait face à Berman ces dernières courses. Je me demande si c'est les mêmes freins que Ferrari. Je crois qu'effectivement, ils ont le même fournisseur, c'est Brembo. Ouais. Ouais. Exactement. Mais après, c'est les problèmes de frein chez Haas, c'est un problème qui remonte à très longtemps. Oui. À l'époque, ils n'avaient pas Brembo et c'était pareil déjà. C'était les seuls à avoir des freins. C'est Carbon Industries qu'ils avaient à l'époque. Non, Carbon Industries, c'est l'autre fabricant qui est toujours un peu là. Non, c'est oui, truc japonais là. Oui. AI, je sais plus quoi là. Et Kibono, je crois. Je sais pas tout le et donc du coup, c'est vrai qu'ils ont toujours eu des problèmes de freins dans cette équipe. C'est toujours Grosjean s'en est plaint pendant des années. Personne l'écoutait en plus, donc ça c'était super. Mais c'était un peu mieux depuis quelques depuis 2-3 ans là, mais ouais, c'est un peu étonnant de voir ce problème récurrent revenir sur diverses choses. Oui, Kibono. C'est ça. Que Red Bull avait aussi jusqu'en 2022. Ah ouais. Ouais. Bon, c'était pas les freins le problème du coup, c'était vraiment la voiture. Mais non voilà, donc c'est vrai que c'est après, bon, Haas, encore une fois, il fait partie de ces équipes un peu comme Williams et Sauber qui sont en reconstruction vers quelque chose de mieux, de plus sain et de plus solide. Donc là-dessus, c'est un week-end conforme à ce genre, à ce qu'on attend d'une équipe dans cette situation. On y arrive, on va parler d'Aston Martin. Alors effectivement, comme Alex vous l'a dit, on va plutôt parler de ce qui se passe en coulisses que ce qui s'est passé en piste. On va quand même parler un petit peu de la piste parce que Fernando Alonso termine 11e. Après un week-end où il a été assez virulent contre le circuit, il a quand même dit que c'était pas au standard et qu'il y avait, c'était beaucoup trop à la limite en termes de sécurité et d'adhérence. Le planning et tout. Le planning aussi, oui, il a dit que c'était très très mal. Il a raison, hein. C'est n'importe quoi de le mettre dans un triple header avec deux manches au Moyen-Orient, ça n'a aucun sens. Là-dessus, il a totalement raison. C'est totalement fou à ce moment-là de la saison en plus. Et puis Lance Stroll qui semblait très très bon jusqu'en Q2 et qui a décidé de mettre les pneus intermédiaires trop tôt. Elle n'a pas passé en Q3 et n'a pas réussi à faire une très bonne course. Enfin, une très bonne Q3, et donc la course a été un peu ruinée par ça, parce qu'il est parti plus loin et s'est fait harponner. Alors lui dit qu'il aurait pu se qualifier 4e, sachant qu'Alonso s'est qualifié en 4e ligne. Moi j'ai du mal à croire qu'il aurait pu aller chercher une 4e place à la régulière, mais c'est vrai que quand on voit ce que la voiture avait l'air de faire sous la pluie, il y avait forcément mieux à faire pour Stroll s'il était resté en pneu pluie, surtout qu'en début de qualification, ouais, tout... il était impressionnant, hein, pour... ouais. Bah, en fait on retrouve un peu les conditions extrêmes de la Turquie 2020 et tout, quand il faut y aller comme ça sur des conditions vraiment catastrophiques, Stroll a vraiment une aisance impressionnante. Il était 2 secondes pas plus vite. Pas bon cerveau, tout le monde. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors moi j'allais dire ça plus joliment. J'allais dire qu'il faut y aller au courage, mais voilà, bon, c'était un peu l'idée. Il faut débrancher le cerveau, allez, voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il est vraiment impressionnant dans ces conditions-là. Donc bravo à lui toujours pour ça. Malheureusement, c'est vrai que le pari a été, je l'ai pas compris sur le moment, et je crois que lui l'a regretté très très vite. Donc voilà, Guigui, t'inquiète, on va venir au sujet juste après. D'abord, messieurs, Alex pour commencer. Le bilan sportif d'Aston Martin ce week-end, C'est une voiture qui était faite pour le samedi. Hein. Le dimanche, on a vu Alonso reculer. Il a fait un mauvais départ, 10e, et à partir de là, c'était plus ou moins terminé. Hein. C'était sur le sec en conditions de course, peut-être. C'était clairement dans le fond. Hein. C'était vraiment pas une des meilleures voitures. Il fait 13e avant la disqualif des McLaren. Donc, c'est une fin de saison triste ou nette, hein, pour Aston Martin. C'est pas la première fois que ça arrive. Mmh. Et ils sont en danger de finir avant-dernier du classement, ce qui serait quand même un gros camouflé pour toute cette RF de sol, ce qui les arrangerait donc au niveau de la soufflerie. Mais ouais, c'est une nouvelle course un peu décevante et une nouvelle saison de transition pour cette équipe. Mmh. Après, c'est Stroll, Stroll, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa course. Hein. Oui. C'est Bartoletto qui l'a percuté et hop, c'était terminé. Oui, après, Las Vegas, c'est pas un circuit très. Vous pouvez mettre en valeur les qualités de l'Aston, hein, comme il y a beaucoup de traînées aérodynamiques notamment, donc on sait que dès qu'il y a beaucoup de lignes droites, ça les freine, hein, par rapport aux autres en tout cas. Donc voilà, sur le sec, il n'y a malheureusement pas grand chose à espérer pour eux. Donc le fait que Alonso soit même hors des points avec la double disqualification des McLaren, ça, ce n'est pas vraiment étonnant, on va dire. Voilà, donc malheureusement, voilà, côté piste, c'est pas la joie. Et côté coulisses, c'est pas la joie non plus. Alors côté coulisses, effectivement, il y a une rumeur comme quoi Andy Cowell, qui est arrivé en tant que team principal, donc ancien responsable du département moteur de Mercedes, arrivé directeur en début de saison, serait déjà sur le départ. C'est plus qu'une rumeur, hein, puisque oui. Martin Whitmarsh a confirmé que Lawrence Stroll cherchait à le rattraper. Donc, voilà. C'est vrai. sur fond de là pour le coup de rumeurs qu'il y aurait des petits soucis d'entente avec New Way et de directions différentes. Mais encore une fois, moi c'est déjà inquiétant de voir qu'au bout de moins d'un an, on veut dégager le directeur. C'est encore un manque de stabilité pour l'équipe. Et bon, Alpine doit rigoler un petit peu, à mon avis. Oui, c'est sûr que Alpine, un an, ils disent bon, c'est bien, franchement, c'est une belle période, franchement, ça a été assez long. Mais voilà, et puis. et des rumeurs laissent entendre qu'il y aurait deux noms sur la shortlist pour le remplacer, soit Andreas Seidel, ancien directeur de McLaren, ancien directeur de Sauber, et Christian Horner, ancien directeur de Red Bull, qui serait potentiellement sur le point de revenir travailler avec Adrian Newey. De quoi ? C'est plutôt le nom de Horner qui circule que Seidel. Oui. Mais bon, après, les deux, moi, j'ai vu les deux circuler. Bah oui, alors on me posait la question, je vois pas passer dans le chat, mais Horner Newey, c'était pas la guerre. Oui, ça l'a été, pendant effectivement la gestion de toute la partie Red Bull quand Newey est parti, parce qu'il avait un petit peu marre de tout ça. Mais non, ils se sont rabibochés cet été, d'ailleurs, je crois. Ils ont fait un concert d'Oasis ensemble. Alors c'est pas la personne que vous avez vue en vidéo là avec effectivement Newey est en train de montrer une autre facette en termes de management. Je pense que le fait d'avoir pris une part dans Aston Martin et le fait que ce soit son dernier défi ne va pas laisser passer grand chose, et s'il voit des choses effectivement qui lui plaisent pas, il ne doit pas hésiter à les remonter à Lawrence Stroll. Et si effectivement le management de Cowell ou la direction prend Cowell ne lui plaît pas, je serais pas étonné qu'effectivement Newey, voulant tout faire pour gagner et voulant avoir tous les meilleurs atouts, si Cowell ne fait pas l'affaire à ce poste-là, et Cowell était comme plus un spécialiste des moteurs que de l'entièreté d'une équipe, il se dit d'ailleurs que Cowell pourrait être rétrogradé en fait à la gestion de la relation avec Honda, puisqu'il connaît très bien le secteur des moteurs parce qu'il s'occupait de ça chez Mercedes. Il ne serait pas forcément viré, il serait juste downgradé, on va dire, dans l'équipe, comme Mike Rack l'a été, parce que Mike Rack a été effectivement le directeur de l'équipe, mais il est passé maintenant directeur de l'équipe course, on va dire, de la partie piste. C'est pas vraiment le terme de directeur sportif, parce que le directeur sportif c'est Andy Stevenson, mais il est plus un peu dans la supervision de l'équipe de course, un peu au-dessus du directeur sportif. Bref, c'est un micmac. Lui, c'est aussi qu'il y a depuis 30 ans, donc forcément, il a vraiment la clé de l'équipe. Pas possible, c'est un micmac avec Mike Rack, voilà. Mais Mike Rack n'est jamais arrivé avec l'étiquette, je suis le nouveau grand patron, etc. C'est ça, exactement. Non. Et donc, effectivement, Horner qui cherche à mettre des billes, un Aston Martin qui, comme une marque, qui peine un peu quand même à rentrer des sous. Je pense que voir arriver quelques dizaines de millions d'euros de la part de Horner en échange de quelques parts dans l'écurie, plus un poste à la direction, en tandem avec Newey, parce que je pense que maintenant Newey, ce qu'il va vouloir, c'est vraiment un tandem en termes de direction, parce qu'il veut. Il cherche pas à être un directeur d'équipe, c'est pas trop son rôle et son envie, mais c'est pouvoir dire au directeur d'équipe, je veux ça, donc tu fais faire ça. À mon avis, c'est tout ce qu'il cherche à avoir. Et je pense pas qu'il ait envie d'avoir quelqu'un qui lui résiste dans ses directives techniques, en tout cas, dans ses choix. Donc si avec Cowell ça passe pas bien, c'est possible, parce que Cowell est quand même un homme de technique aussi. Et donc quand vous avez deux techniciens qui n'ont pas la même vision à la tête d'une équipe, ça peut amener à ce genre de collision. Et tu parlais de rumeurs, de spéculations, mais ça va quand même un peu plus loin, parce que c'est quand même la BBC qui a quand même été à la pêche directement aux infos de Martin Whitmarsh. Martin Whitmarsh qui était l'ancien CEO, le patron à la place de Cowell avant, et qui a dit, il a même été recontacté par Alan Ronsroll, qui a été très généreux, mais bon, voilà, bon merci. Donc je pense pas que Horner était le plan numéro 1. Mais ça risque de le devenir assez rapidement. Donc un retour de Horner chez Aston. On en a parlé déjà depuis un petit bout de temps de cette rumeur-là. Mais ça a quand même l'air de pouvoir se préciser. Je dis pas de vouloir, je dis bien de pouvoir se préciser. Attendons de voir. Mais bon, moi, ça me choque encore toujours de voir que quelqu'un comme Cowell, qui a même pas eu le temps de voir un début de saison d'un nouveau règlement, se faire déjà dégager. Après. Si on voit directement que ça se passe pas bien avec entre des membres de la direction, et que voilà, il vaut mieux effectivement prendre les devants et vite régler les problèmes en changeant les personnes. Hein. Malheureusement, c'est toujours comme ça que ça se passe dans les directions. Hein. Vous perdez assez rapidement votre place. Hein. Vous prenez beaucoup de responsabilités. Vous savez pas pour combien de temps en général. Mais là, effectivement, c'est un peu rapide. Voilà. Ouais, c'est un peu rapide et je trouve que ça donne un peu ce côté. Enfin, ça montre à quel point Aston Martin a du mal à se structurer, malgré les milliards, malgré l'abondance de moyens, de changements et tout ça. On se rend compte que monter une équipe humaine qui fonctionne, bah, comme l'ont fait McLaren, comme l'ont fait apparemment Sauber, parce que ça a l'air de très bien se passer entre Binotto et Whitley. D'ailleurs, j'ai vu la rumeur Binotto chez Aston. Non, il est très bien où il est. Alors, il a été approché quand même. Oui, oui. Pas Laurent Stroll. D'après la BBC encore. Voilà, d'après la BBC, il était approché, mais je pense que lui, c'est oui, hors de question. Vu le projet qu'il a entre les mains, franchement. Ah oui. Voilà. Puis il est suisse, hein, il faut le rappeler, Binotto. Ouais, aussi. Ça joue aussi. Et donc voilà. Et puis. Et en tout cas, c'est un peu compliqué. Alors, moi, je sais pas quoi penser d'une équipe qui serait supervisé de loin par Lawrence Stroll avec Christian Horner et tout, ça me semble faire un organigramme un peu. Bah, Horner pour superviser un pilote numéro 2 qui sert à rien, je pense qu'il connaît déjà donc. Ouais, elle était technique, mais elle est bonne celle-là. Ah oui, écoute. Ah oui, c'est vrai que oui, finalement il serait l'homme de la situation. Effectivement, c'est ça, ouais. Bon, allez, on signe. C'est un peu dommage que chez Aston, moi, ils ont une des meilleures usines du plateau. Ils ont la nouvelle soufflerie la plus récente chez CESE. Ils ont sûrement la meilleure soufflerie du plateau, les meilleurs outils. C'est un peu Toyota. Hein. Pour le moment, ils donnent l'impression d'être un peu Toyota, c'est-à-dire d'avoir tout pour réussir et d'échouer. Après, il ne faut pas oublier, donc l'an prochain, ils seront les seuls à avoir le moteur Honda. Qu'est-ce que ça va donner, ça aussi? Voilà. Sur le papier, il y a tout pour réussir. On a toujours l'impression que, en fait, ça ne s'enclenche pas. Quoi. Ouais. Et il ne faut pas oublier que quand tu as Toyota comme exemple, tu peux aller un cran plus bas en termes de mauvaise gestion, enfin plus haut en termes de mauvaise gestion. Il y a Jaguar aussi, qui avait à peu près le même genre de moyens. C'est arrivé un grand renfort d'argent, de com, de tout ça. Et puis finalement, ça a empilé des directeurs d'équipe qui ne savaient pas trop ce qu'ils venaient faire là-dedans et ça ne marchait pas. Donc après, bon, il n'y avait pas les moyens techniques, hein, contrairement à Toyota qui à l'époque avait vraiment la grosse bonne infrastructure. Mais c'est vrai que. Des constructeurs qui arrivent en Formule 1, oui, ça reste un constructeur qui arrive en Formule 1 et qui veulent tout gagner, il y en a eu. Et tout le monde n'est pas Mercedes. Et c'est vrai que là, je pense que Aston Martin, en fait, le problème, c'est que cette instabilité, elle va forcément retarder la progression de l'équipe, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut revoir les bases, il faut revoir la communication entre tout le monde, il faut revoir la restructuration des départements. Il faut remettre chacun à sa place et ça prend du temps et ça prend du temps qui est normalement consacré à la performance et à la recherche de succès et donc c'est un peu compliqué effectivement et je pense que Lawrence Stroll montre ses limites aussi en termes de management. Il faut dire ce qui est, c'est que on a vu que quand Zak Brown a repris McLaren, il y a eu une ou deux erreurs de casting mais elles ont vite été corrigées. Chez Aston Martin, au-delà de la gestion du deuxième baquet, hein, qui est quand même aussi un vrai problème dans une équipe qui a les ambitions qu'elle a, et qui est clairement dû au fait que le pilote est le fils du patron, il y a aussi ce truc de dire, ouais, on a mis des gens à la tête de l'équipe, même Mike Krack, il a passé quand même 2 ans et demi à être, entre guillemets, seul maître à bord, dans le sens où on entendait parler que lui, même s'il a jamais eu l'étiquette. Et bon, bah, c'était un peu le casting étonnant et qu'on n'a jamais vraiment compris, quoi. Donc, j'ai du mal à voir où ils vont. Alors, je pense qu'eux savent hein, quand même, parce que maintenant il y a Newey. Newey peut aussi faire bénéficier son expérience là-dedans, dans la structuration et la gestion d'une équipe. Mais c'est vrai que mettre Horner, je suis pas sûr que ce soit un gage de stabilité. Quoi, hein. Ça a bien marché chez Red Bull, parce que chez Red Bull, il avait pu imposer toutes ses conditions et son fonctionnement. Mais on a vu aussi que son management n'était pas adapté à toutes les situations. Tant que tu auras Lawrence Stroll à la tête de cette équipe, la stabilité, à mon avis, tu peux l'oublier. Hein. Ouais, sans parler effectivement de quelques anciens employés qui avaient quand même dit pas trop du bien de Lawrence Stroll en termes de management dans le côté humain de la chose. Et je suis pas trop surpris, hein, vu ce qu'on en voit globalement dans les émissions et les interviews, ça paraît être la personne la plus charmante qui soit. C'est avant tout un passionné, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un métier de passionné, hein, qu'est-ce que tu veux. Non, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est un mec à qui on prête énormément de succès commerciaux et de succès de business, et c'est le cas. Hein. Il a remonté des marques énormes comme Tommy Hilfiger. Mais là, finalement, chez Aston, on sent qu'il y a un peu ce côté où il prend les décisions de manière un peu moins rationnelle, peut-être. Voilà, ce que dit Tercetche chez Mercedes, c'est pas mêlé du tout de Mercedes Grand Prix, on a vu le résultat. Ouais. Exactement, très très bon exemple. Merci à Yves qui a pris un abonnement avec Prime. Vous pouvez rappeler. Alors je suis désolé pour les publicités de chat et de Félix. Je ne sais pas ce que vous avez comme publicité si vous n'êtes pas abonné, mais c'était le moment de vous abonner du coup à la chaîne pour éviter les publicités. Oui. Voilà. Non, on me pose la question, et sa secrétaire n'est pas chez Aston. Non, non, elle est chez Cadillac, l'ancienne secrétaire de Horner. Oui. Et l'assistante de maintenant de Dan Tauris, le PDG de l'équipe. PDG de TWG Motorsport, qui est de facto le PDG de l'équipe. Sobret Indiquette demande à quand le top 10 des passionnés sur Next Gen. Oh, ce serait... c'est chaud. Il faudrait une liste un peu plus longue, je pense. Ouais. Un sondage, il faudrait faire sous forme de sondage, au pire. C'est vrai. Donc voilà, en tout cas, pour Aston, avec une... Bon, bah, c'était un peu la... C'était un peu le coup de tonnerre hier, quand même, d'apprendre que Cowell était à ce point-là en difficulté, alors que ça sort de nulle part. Il n'y avait pas eu trop de, beaucoup de bruit avant à ce sujet. Alors, le fait que Horner puisse prendre des billes et être chez Aston, oui. Le fait que Cowell soit débarqué, non, ça, effectivement, c'est vraiment une nouvelle. Complètement. De toute façon, on ne peut pas avoir deux papes. Je ne sais plus qui c'était, Stasner, quoi. On ne peut pas avoir deux papes à Rome, quoi. C'est vrai aussi. On va passer à Alpine. Alors Alpine s'est fait 13e pour Gasly, 15e pour Colapinto, après disqualification des McLaren. Donc, c'est loin. Au demeurant. C'est bon samedi de Gasly. Hein. J'allais venir, pas de chance pour Gasly, qui est la victime collatérale de l'erreur de Bortoleto, qui se fait en fait lui harponner par Stroll, qui est en perdition. Mais il était en top 10 en qualification. Alors il avait fait des meilleurs qualifs les années d'avant parce que la voiture était meilleure. Là, bon, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Le fait est que sa qualif a été très très bonne. Encore une fois, hein, hyper solide. De toute façon, il fait une fin de saison qui passe un peu sous le radar parce que forcément la voiture ne lui permet pas de montrer mieux. Mais voilà, Gasly c'est le taulier chez Alpine, il n'y a pas de doute. Et des regrets pour la course, mais une qualif incroyable. Colapinto un peu plus en retrait, mais bon, c'est un week-end de piège un peu aussi. Et donc forcément, et oui, voilà, Franck nous montre un livre sorti sur Pierre Gasly. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Le livre sur Pierre Gasly, c'est le livre qui est fabriqué par les mimines de Manu. Exactement, j'ai écrit ce livre et on l'a sorti mercredi. Et voilà, donc il a c'est pas mal comme réussi. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est ça. Comme réussi à écrire 260 pages sur Pierre Gasly, moi je dis bravo parce que. Alors, en plus, je me suis. Le livre est vendu à 19,90, ce Guigui. Je me suis replongé dans sa carrière et effectivement, il y a quand même des saisons aussi où il est un peu passé sous le radar, notamment en 2021, parce qu'on a beaucoup parlé de sa victoire en 2020. C'est ça. Mais Gasly a globalement un historique de faire des saisons assez folles avec le matériel qu'il a. Pas trop de 2025, je crois. Non, je ne suis pas trop rentré dans 2025 parce que c'est tellement à chaud que j'ai préféré ne pas trop baigner là-dedans. Pour moi, on a beaucoup de trucs qui se passent à chaud, mais c'est compliqué en fait de faire un bilan et perspective de 2025. Donc j'ai fait un bilan et perspective de 2024. Le livre s'arrête comme ça, avec une boucle qui se boucle à Interlagos. Avec un petit peu, on parle de 2025 et de la suite, mais voilà, c'est plutôt, je préférais prendre une approche un peu plus prudente parce que je trouve que sinon c'est aller chercher des choses qui sont pas forcément actées ou vérifiées. À quand un livre sur Lance Troll, le nom de Lambeau Diablo. Écoute, c'est en cours d'écriture, j'en suis à la page 3, j'ai quasiment fini le livre. Mais attends, et si son papa te donne 200 millions pour faire 300 pages, il fait... La passion est là. C'est un métier de passionné, ça. Moi, j'écris, là, ce sera une géographie, mais c'est pas grave, je ferai un joli livre sur l'Anstra. Je comprends pas, il y a 220 pages sur la Turquie de Milieu. Donc voilà. 218 foot de photos. C'est Lance, ça. C'est ça. Lance Troll, le Fangio canadien. Oubliez Gilles Villeneuve, oubliez, c'est lui le petit prince. Moïse demande, y a-t-il des potins concernant sa relation avec Ocon? Alors, il n'y a pas de potins dans le sens où il n'y a pas de rumeurs ou quoi. Après, il y a... y a un petit peu des choses mises au point, voilà, parce qu'on sait de manière sûre, mais il n'y a pas de... Il y a eu quelques questions de poser et tout, mais il n'y a pas de grande révolution sur ce qu'on savait déjà à l'époque où ils étaient ensemble chez Alpine. Néanmoins, c'est surtout que la relation s'est bien finie. Tu vends très bien ton livre, hein, Manu. Non, justement, je ne survends pas. C'est important de ne pas survendre un livre. Je vais dire, oui, la révélation. Non, il n'y a pas de révélation. Par contre, il y a une bonne mise à jour du vrai et du faux aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui n'étaient pas si catastrophiques. Et c'était l'occasion de le rappeler. J'ai accès à quelques sources privilégiées pour cela. Oui, voilà. On n'en dira pas plus. Et puis voilà, donc c'est globalement le moment de revenir dessus. Donc voilà, mais effectivement, non, pas de livre sur Lance Troll, hein, c'était une blague évidemment. Malheureusement, je n'ai pas de, j'ai pas eu de commande de la famille. Donc, ce livre sera donc mis à jour pour le prochain titre de Pierre Gasly en 2026 avec Alpine, hein, puisque c'est le projet. Exactement, exactement. C'est le projet d'Alpine. Donc voilà, donc un week-end un peu compliqué pour Alpine à Las Vegas, pour en revenir à ça. Mais effectivement, voilà, c'est bon, bah, c'est aligné de ce qu'on attendait. Et encore une fois, avec un Gasly qui fait le taulier chez Alpine. Parce que la Pinto, ouais, c'était un peu compliqué, mais bon, je lui jette pas la pierre. Il avait déjà couru à Las Vegas, mais ça s'était pas très bien passé. Donc, jeter la pierre, c'était facile ça. Ouais. J'ai même pas fait exprès. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous avez de plus à ajouter sur Alpine, messieurs, puisque moi non, mais tenu. Alex le passionné. La passion. La passion. Faut être passionné. Non, sur Gasly, rien à dire. Hein. Superbe samedi, effectivement, bah, dimanche compliqué. Colas Pinto qui est un petit peu comme. Je sais pas, comme Bortoleto, la tendance inverse, il était revenu proche de Gasly, et là, il était clairement vraiment, vraiment derrière. Mm. Donc, rien de plus à dire, hein, vivement 2026. Mm. Ouais, ça devrait être quand même. Quoi qu'il arrive, ça devrait pas être pire. Ce qui est de le mois de mars, il veut dire vivement 2027. Ce qui est dingue, c'est que Alpine a moins du triple de points que Sauber. Ils ont non seulement moitié moins de points, c'est même pas ah oui, moitié tiers, moins ouais. que Sauber. Ils ont le triple de points en moins que Sauber. Même encore plus que le triple. Ouais, ils ont 22 points et Sauber, c'est 68. Ouais, c'est ça. Ils sont à plus de 40 points. Non, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment sans appel pour la position d'Alpine dans la hiérarchie. Et c'est en ça que moi, je suis assez souvent critique sur eux, mais pour les perspectives, parce qu'il y a un discours chez Alpine qui se veut méthode Coué, tout ira bien. L'an prochain, voilà, on aura réglé le problème qui est le moteur. Tu te retrouves pas au tiers des points de la 9e équipe. Juste à cause d'un problème moteur. Et c'est ça, faut pas oublier. Et moi, c'est ce qui fait que je suis pas très confiant pour Alpine l'an prochain. Même s'il faisait deux doublés dans les dernières courses, il terminerait pas devant Williams. Et deux doubles podiums, il terminerait devant Racing Bulls, quoi. Ouais. Et il y a peu de chances que ça arrive. On va dire ce qui est. je vais utiliser un euphémisme ici. Il y a peu de chances. On disait ça avant le Brésil 2024. Hein. Oui, c'est vrai. Si les McLaren sont disqualifiés, peut-être. Mais enfin, il faudrait quand même être bizarre. Que les Alpines soient disqualifiés, toutes les deux aussi. Ouais. Hein, oui, parce qu'on disait très justement que Franck et moi avons subi ça dans notre équipe. De cœur. Il porte nos croix, nous, maintenant. C'est... Ouais. Bon, Alex, il porte sa croix toute la semaine. Ouais, Alex, il a porté la croix de manière différente. Je veux bien échanger. Hein. Oui, c'est vrai, je comprends. Non, mais bon. Après, pour Alpine, oui, comme tu l'as dit, moi, c'est pas que le moteur qui justifie ça. Et on a un exemple type, c'est Alpine a décidé, oui, mais nous, on n'a rien mis sur 2025, on met tout sur 2026. Williams, ça fait pareil, mais Williams te sort des performances... plus que correct avec leur stratégie, donc c'est pas non plus une excuse de dire on n'a pas du tout développé la voiture. Ouais. Mais il y a quand même un truc qui me dérange, c'est qu'on a appris récemment qu'il y a deux individus qui s'étaient introduits de nuit à Viry-Châtillon, apparemment dans l'usine production de moteur, et là ça fait 5 minutes que vous assurez avec beaucoup d'assurance, non mais c'est pas un problème moteur. Donc est-ce que vous avez des petits potins aussi à partager ou pas? Non, je sais pas, il faisait noir. Ouais, c'est ça. j'ai rien vu. À la lampe torche, les couloirs avaient l'air sympas, mais. C'est ça. J'ai vu Bernard Dudot dans un coin. Ah putain, vous n'avez pas trouvé David Desbrivio. Non, il l'avait ressorti depuis, il l'a envoyé en MotoGP, mais. Placard est vide. Ouais, c'est ça. Placard est vide. Ils en ont fait un petit mémorial. Vous n'avez pas trouvé Jack Doe. S'il avait une casquette, assez étonnamment. Il y a un petit mémorial, sigil la carrière en F1 de David Desbrivio. Il y a juste. Et de Jack Doohan. Et de Jack Doohan. Ah là là. Ah, oui. C'est plus un mémorial, c'est un ossuaire. Hein, ça aurait été délicat de dire on fêtera bientôt la dernière d'un moteur Renault, et ça c'est triste, et c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est quand même une des mauvaises. Quand c'est Zanny qui dit Bruno Favin en train de nettoyer les bureaux. Mais non, c'est vrai que c'est un peu triste, évidemment. On a assez critiqué cette décision ici sur Next Gen Auto, vous le savez très bien, de fermer ce monument du sport auto, enfin de restructurer, mais bon, on sait que c'est pas fou, restructurer le monument du sport auto français qui est Viry-Châtillon. Et pendant ce temps-là, Luca Demio vend des Gucci chez Kering. Exactement. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Voilà pour conclure cette émission. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si il reste une équipe après, mais vu qu'on a fait McLaren au début, en fait, il y a plus bien. Tu veux te remuer le couteau dans la plaie, c'est ça ? Et donc chez McLaren, ils ont une disqualification. Non, c'est bon, on a assez parlé. Ma passion a ses limites. Alors, évidemment, c'est de passer au prono. Alors déjà. Les pronos. Avant de. On va faire. Déjà, on a décidé qu'on allait faire nos pronos en direct ce soir, donc on ne sait pas ce que les autres vont parier. On s'est dit que ce serait plus marrant de le faire devant vous en réflexion commune. Et on va revenir évidemment. Sur... Moi, j'ai dans ma tête. Parce que le but, c'est pas de réfléchir à ce que vous avez dit. Le but, c'est. Ouais, mais après, du coup, des fois, on s'est interdit des trucs. L'autre jour, moi, je voulais faire un pronom, on me l'a interdit. Alors. Voilà, là, pour le coup, c'est tu te sors du tac au tac. Alors, déjà, le retour sur les pronos pour Vegas. Donc, Alex, tu avais mis Russell, Verstappen, Antonelli. Alors, bah, tu as le tiercé dans le désordre, mais du coup, avec un bien placé. Puisque, effectivement, c'était une bonne idée de ne pas parier sur McLaren ce week-end, hein, clairement. Franck, tu avais Russell, Antonelli, Hamilton. Alors, bah, bien joué d'avoir parié sur les Mercedes. Et moi, j'avais Verstappen, Hamilton, Russell. Hein? Hamilton lui a savonné la planche. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais Verstappen, Russell, Norris. Bah voilà, hein, c'était pas mal pendant un bout de temps du Grand Prix. Ouais, ouais, j'ai cru, puis finalement, bon bah, voilà, pour quelques millimètres, ça passe très loin, comme qui dirait. Donc non, c'est un peu, ouais, c'était, ça reste quand même Alex qui a le tiercé dans le presque bon ordre. Donc bravo à toi. C'était pas gagné, ouais, messieurs. Je vais prendre vos pronostics pour le Grand Prix du Qatar qui se déroulera ce week-end à Losail. Franck, je t'écoute. Je vais très joueur Verstappen, Piastri, Norris. Toi, tu veux vraiment que j'aille mal, en fait. Alex. Norris, Verstappen, Leclerc. Et moi, j'avais un Norris, Verstappen, Piastri. Voilà. Alors... J'espère quand même que Piastri va finir la saison par des résultats corrects et je pense que c'est le bon moment pour essayer de ralentir un petit peu Verstappen s'il le peut et puis voilà, se montrer. Mais non, ouais, le sprint. En tout cas, le titre ne sera pas attribué au sprint au Qatar. Et c'est tant mieux. Ça ne devrait pas arriver. Donc Manu et moi, on voit un Norris quasiment titré ou titré. Moi, ouais, il serait titré techniquement. Enfin, titré, parce que dans ma tête, il gagne aussi le sprint. Et les essais libres. Ah, bah, il va tout gagner. Et Franck, voit un Grand Prix d'Abu Dhabi où Manu, je pense, va se. Bah, je passerai en apnée, hein, c'est bien simple. Je ne respirerai pas. Non, mais c'est terrible. Ah, non, moi, j'ai imaginé le truc. Encore, si, j'aurais pu dire. J'aurais même sorti Norris du podium, mais bon. Ouais. Juste pour dire que Piastri finit devant Norris, quoi. Histoire de dire, non, il n'y a toujours pas de consigne. On n'a toujours pas compris comment ça marche chez McLaren. Ça, c'est possible, hein. Ils sont pas encore exprimés à ce sujet. J'ai très bien compris que Piastri, là. Imaginez, en fait, Norris est désavantagé. Piastri est désavantagé et ralentissent Norris exprès par équité. Ah ouais, le truc qui est le sabordage à la 2007. Mais non, mais sinon tu peux imaginer genre Piastri qui gagne, Verstappen qui fait genre un top 5 et Norris qui abandonne, et comme ça tu te retrouves avec les trois pilotes pas loin d'être égalité. Ah là là. J'ai vu qu'il y a un scénario qui est pas impossible où les trois arrivent à égalité à la fin à Abu Dhabi aussi, mais dans ce cas-là c'est Norris qui est champion. Voilà. On va éviter, beau. Si ça pouvait être un peu moins stressant, ce serait bien. Ce serait beau, mais par contre, les deux autres sont vraiment hyper déçus quand même. Ouais, ah bah c'est clair. Bah c'est comme en 2007, hein. Les deux pilotes McLaren se font battre pour un point. Ah oui, c'est vrai que McLaren. L'égalité, ça n'est jamais arrivé dans un championnat de Formule 1. Non. Ouais. Bah c'est impossible. On n'est pas. Hein. Bah, techniquement, c'est. Enfin, c'est pas. Bah ça peut arriver, mais ouais. Oui, voilà. Après, il faut vraiment un truc de fou pour remonter jusqu'au 6e, 7e. Déjà, alors, je mets 2021, mais c'est pas pour parler d'Abu Dhabi. C'est juste que déjà, les deux leaders qui arrivent à égalité à la dernière course, c'est assez rare. Donc, Alors, on ne pouvait pas conclure sans parler d'Abu Dhabi. J'en ai pas parlé. Bon, d'Abu Dhabi 2021. Et peut-être qu'Abu Dhabi 2025 sera aussi. C'est quoi, c'est Brésil 2007, non? Oui, c'est Brésil 2007 oui, ouais, qui est la dernière course. Ouais. Un bon souvenir pour Manu, ça va voir. Mais toute la fin de saison, en fait, parce que à partir du moment où ils se font exclure du classement constructeur et puis que c'est la guerre à l'intérieur d'équipe et que tu vois que Raikkonen revient, c'est vraiment. Il y a un petit goût quand même. Hein. Tu parlais de l'accident au ralenti, c'est vraiment ça, quoi. Contexte d'Annie à trouver, McLaren fait un stint de 26 tours au Qatar et une nouvelle disqualification. Puis il rate l'entrée au stand. Pitié. Arrêtez. Rien que les hypothèses. On mettra à Abu Dhabi, on mettra une live carrément. Regardez Manu qui est décomposé en direct. Ce serait comme ça pendant toute la course. Ou un Pirelli qui crève. Ah non, non, non. Bah non, oui. Ça... Ah oui, ça peut arriver. Ça. Bah, ça peut arriver à Verstappen aussi. Arriver. Non, c'est pas possible. C'est pas dans les guidelines. Ouais, ouais, ouais. Les guidelines suspense, elles sont pas écrites comme ça. Ah bon? Oui, tout j'ai est scénarisé eu, par contre. J'ai donc. Pas eu le même document de la femme, moi. La version 4.8, elle dit. Pas le dire. Bon, on connaît bien la femme et la FIA, s'il y a plusieurs versions des guidelines, du coup, par contre. voilà, bon, bah, on va conclure avec ce tacle, je pense. Donc, effectivement, bah, la F1 reprend ce week-end hein, pour l'avant-dernière course de la saison au Grand Prix du Qatar, au week-end de sprint, le 6e de la saison. Des horaires sur milieu d'après-midi et début de soirée, globalement. J'avais fait la référence musicale à début de soirée, mais je pense que dans le chat, il n'y a pas grand monde qui l'aura. Et... Non, par contre, Verstappen, de le faire tout, il fait bye, Lando. Ouais, je prends le petit côté musical. Et puis voilà, donc évidemment. Il peut voir au Qatar du coup. La neige même. La neige. Tout ça sera évidemment à suivre en direct sur NextGen Auto dès le jeudi avec la journée média comme d'habitude. On vous fera. La présentation, tout ça. Voilà, comme d'habitude. On vous fera un. Vous aurez quasiment le verbatim de la journée avec tous les pilotes qui parlent, comme d'habitude. Et puis les séances à suivre en direct, les débriefings des séances par toutes les équipes, comme à chaque fois. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Merci Franck, merci Alex. Merci à tout le monde. Et puis on se retrouve lundi prochain pour l'avant-dernière émission Grand Prix de la saison. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Bye bye, ciao. Ciao.